Les lundis douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans. Au pub, Brouhaha, 5860 avenue de Lorinier. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines. Puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. Bonsoir, en manchette ce soir, soccer, cigarette et terre plate. Et ils sont ici pour que l'émission ait une durée ce soir. Arnaud Audette, Martin Godette, Jonathan Simon, Alex Sarfati, Anne-France Lapointe, Mathieu Boudreau, en house band, deux folies et un banjo, ainsi que notre invité Nabi, en direct du Brouhaha à Montréal, à go, c'est 70%. Les mamelles de toute bonne diégèse, l'enlèvement, l'entraînement et la vengeance. Ben oui, t'as déjà vu des films toi aussi. Scénario assuré. Hey Nabi, avant d'aller plus loin dans l'émission, je vais vous raconter ma soirée d'hier. Ah non, je vais commencer par le début. Bienvenue à 70%. Mon nom est Tommy Godette et je suis très content d'être encore là. J'ai vraiment hâte de parler de ma soirée. Et c'est pour ça que je vais prendre cet instant pour remercier l'équipe technique. Les gentils, Mallette, Potvin, Larocque, Nathan, en tout cas, il y a une armée. Marianne était là, Caroline aussi. Sans qui rien de tout ceci serait possible. On est parti pour quand même un 5 heures de show. 70% dure juste le début. Et je suis rendu au moment où je vous parle de ma soirée d'hier. Oui, c'est un hostie punch. En fait, hier, mon cousin, qui est guitariste pour Les Excentriques, m'a invité à aller le voir faire son spectacle. Et c'était au Aurora. Le Aurora, c'est à Val-d'Or en 1995. C'était capoté, là. Il y avait, tu sais, dans le centre d'achat, il y avait des affaires pour lancer des dards à côté des machines à sous. Il y a un gars au comptoir, il a mis du Clamato dans sa bière. Le public cible, ben, en fait, je devais diviser par deux l'âge moyen qu'il y avait dans la salle. C'était capoté. J'ai jamais vu ça. Un standing ovation de personnes de 60 ans, ça commence slow, mais ça dure longtemps. Il n'avait que se lever demain. C'était vraiment bon. Ça a été une soirée unique. On a eu plein de bonnes tunes, des Excentriques, un band de punkish qui dure depuis une cinquantaine d'années. C'est quand même assez capoté, ça. Puis j'ai pu avoir des autographes, j'ai pu toucher des vedettes. Et j'étais heureux. J'étais entouré de madame de 62 ans. C'était vraiment particulier. Veillez au Aurora. Ah, je te jure. La prochaine fois, allez-y. Hein. Il paraît qu'ils vont avoir des invités encore. Parce que la madame qui animait, elle l'a dit beaucoup qu'il était pour avoir des invités. D'autres invités. Plusieurs fois. Manquez pas le 12. Puis un coup qu'on a fini ça, il y avait un gars avec un clavier. Tu sais, pareil comme dans François Pérusse, l'organiste, là, tu sais. C'était capoté. Là. Il chantait des. Là, il y a un moment donné, il a donné la track, il a donné le contrôle à un gars qui a chanté du Daniel Etu avec une trame sonore karaoké par-dessus ça. Puis l'autre qui rajoutait des affaires avec son clavier. On était quatre dans la salle, puis moi, je jouais au 3DS pendant que Martin ramassait ses affaires. C'était vraiment. J'ai vécu une soirée magique et capotée, et je vous la souhaite la prochaine fois. Toi, Bruno, t'es revenu de New York? Oui, c'est ça, j'étais dans le New York. C'était comme d'habitude, là. New Amsterdam, mais mieux. Oui, c'est ça, okay. Exactement. Puis, ben, je pense qu'on peut se lancer. T'es correct? Moi, je suis correct. T'as plus besoin de parler de New York? Non. Non, t'avais l'air. Hey, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, on applaudit notre invité. Nabi, toi. Nabi. Bonjour, bonsoir. Hey, c'est vraiment smart d'être venu nous voir à 70%. On est une entreprise bénévole qui dure depuis une couple d'années. Est-ce que t'as déjà entendu parler de nous? Ben absolument, ne serait-ce que cet été, parce que je travaillais sur une émission de balado, donc j'ai eu la chance de faire une incursion dans tout ce qu'ils faisaient. Ah, t'as fait tes devoirs pour faire ça? J'ai fait mes devoirs, non, ça paraissait pas tout le temps quand j'arrivais en onde, mais il y avait des choses écrites sur mes fiches, puis là, je trébuchais avant d'arriver en onde, puis je les mettais dans le désordre. Encore cette humilité cabotine, ça doit t'aider avec les filles, ça? Ben, c'est mon seul secret, ça, puis vous me faire passer pour Grégory Charles. C'est un ou l'autre. Là, ça, faudrait que tu enlèves tes lunettes puis que tu prennes plus de speed, je pense. Oui. Mais par contre, l'autre jour, j'étais au Maxi sur Masson ici, puis il y avait le caissier qui me parle à la fin, qui dit, il emballe les choses, puis il est comme, mais c'est le fun de te voir, j'aime beaucoup ton émission. Là, je suis comme, merci beaucoup, c'est gentil. Mais fait que là, tu sais, qu'est-ce que tu fais maintenant? Là, je dis, ben, je suis à Radio-Canada, puis bon, je travaille un petit peu en Ontario comme journaliste. C'est comme, mais c'est cool de voir que quand même, tu sais, tu réussis à avoir encore des contrats, là, malgré les accusations. Puis là, je regarde, là, je réalise qu'il est en train de me confondre avec Jean-François Harrison, puis là, le nom ne vient pas en tête. Puis là, je suis comme, non, mais c'est pas... Oh, non. Moi, c'est Nabi, j'étais à Musique Plus, puis il est comme, ouais. Puis là, je suis comme, non. Là, je suis juste parti, no joke. T'es obligé de sortir ton permis de conduire. Non, c'est ça, il veut pas le voir, puis comme, non, je te crois, je dis, non, mais regarde. Puis là, finalement, le gars était vraiment comme complètement sérieux, puis lui, il avait comme aucun problème avec ça. Il était comme, ah, Marc, c'est le fun de te revoir. C'est particulier. Oui. Puis qu'est-ce que tu penses qu'il a fait qu'il a pu se mélanger? Parce que Jean-François Harrison, il n'y a pas de lunettes. Non, c'est vrai, exactement. Mais il est plus grand lui aussi qu'on peut le penser. Quand peut-être, oui, ça c'est sûr. Ça t'arrive souvent, ça? Ben, il y a des gens qui disent des fois comme Jean-François Harrison, c'est la première fois, mais le gars de Watatata. Raphaël, exactement, ça, il y a quand même pas mal de monde. Puis là, en ce moment... Ça, c'était le personnage, ça. Oui, c'est ça. Ouais, okay. Puis en ce moment, je travaille avec Nicolas Ouellet. Fait que là, c'est comme la version de moi si j'avais fait tous les bons choix. C'est le bon à voir. Il est comme, encore de l'humilité cabotine, t'es incroyable. T'étais le VJ à qui on avait envie de faire des câlins dans le temps. Ah, ben voilà, j'espère que c'est toujours le cas. Oh, t'inquiète. Oh. Il sentait bon, en plus. Et puis... toi, en tant que Nabi, en tant que nouvel amateur de podcast... Oui. Ben, pas nouvel amateur, mais maintenant comme amateur public. Là, ben ouais, je... Amateur professionnel. Amateur professionnel, c'est, exactement. Je suis rémunéré pour écouter des podcasts le week-end. Ouais, j'avoue, ah. Hein. On te salue, en tout cas, si t'écoutes le show tantôt. Oui. quel est le premier podcast que t'as découvert au Québec? Au Québec, le premier que j'ai écouté, c'était... un podcast de Radio-Canada, mais c'était pas vraiment un podcast parce que c'était comme quelque chose tiré d'une émission de Radio-Canada, Aujourd'hui l'histoire, que je continue à dévorer assidûment. Puis sinon, le premier, je pense que c'était trois questions, trois bières, ça s'appelle de même. Trois bières, je pense que c'est le ils sont vraiment arrivés au bon moment, eux autres. Oui, j'ai demandé à Pierre-Luc, qui était assis sur cette même chaise, qui nous donne ses trucs, puis il est parti en faisant son... Jamais! Non, c'est pas vrai, il était super sympathique. Sinon, est-ce que tu joues à Magic? Très peu. Moi, je t'avoue, je suis très trou de cul, puis boulette. Mais t'as des cartes de Magic, t'as des decks de fête chez vous, chez tes parents, genre, dans... Ouais, ben, dans le temps, t'es vendu au secondaire. Ouais. OK, c'est bon. on fait une émission sur la magie cette semaine à la Route des Vins. Ah ouais, c'est hein? Ici, il y a un lien. Fait que, si tu veux peut-être venir nous parler de Magic, on pourrait s'inspirer de ça. Dionysos pis tout, là, les pouvoirs secrets du vin. Là. Moi, je pense que le premier pouvoir secret de l'alcool, c'est que s'il n'y avait pas d'alcool, il y aurait bien moins de monde sur la Terre. C'est probablement vrai. Il y a des rencontres qui n'auraient pas eu lieu. C'est mon appréciation. Sinon, on demande aussi à nos invités de nous faire un indicatif. Peut-être que pendant que je recrinque ma cassette, tu pourrais te laisser aller. Nabi, 70%, blablabla. Bla, bla. Parfait. 100% plaisir, 200% humour, 70%, c'est maintenant. C'est pas le temps. Pense à, c'est 40% pour cet ID-là qu'on vient j'ai. C'était Nabi Chartier, toi! En plus, vous me l'aviez écrit dans l'email de préparation, tu sais, comme ce jour-là, t'es comme puis tu réfléchis à rien, genre, pour avoir l'air drôle puis spontané. Bon, c'est bien correct. Je te jure qu'en le faisant en live de même, en mettant la pression sur l'invité, on s'est retrouvé avec des belles affaires. Une collection. Gérard Larose, il a dit, ben non, je fais pas ça. Ah. Là, j'ai dit, ben, t'es sûr? Parce que sinon, ça va être ça. Il dit, ben, là, mon nom, c'est Gérald Larose. Puis. Vous écoutez 70%. Mais je pense que c'est peut-être moins le cas de nos jours. Mais je sais qu'il y a quelques années, pour les radios commerciales, quand il y avait comme des vedettes internationales qui arrivaient, comme ils s'assoyaient dans le bout de son, puis ils faisaient comme un 25 minutes de nommer des fréquences. Oh, genre, je suis désolé. Ouais, salut, ouais. C'est Avril Lavigne. Vous écoutez CKVR 86, c'est le Winnipeg. Ça doit être un peu spécial. Il faut ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut, exact. À chaque fois, t'es passionné, c'est sûr. Toi, en tant que... T'as quand même rencontré de la super vedette, là. J'ai déjà reçu un baiser de Britney Spears. Quand même? Puis à la belle époque, à part de ça. Avant qu'elle se rase les cheveux. C'est apprécié. T'as-tu dit genre, je te trouve vraiment beau, Jeff Harrison? Oui. M'a-t-elle dit en me caressant l'épaule. Oh, ça apprécie tout, hein? Ah, voilà. Il se rappelle tout. Ben, oui, je me rappelle. Peux-tu parler d'autres personnes que Britney? On peut continuer. Oui. La tune de John Lajoie sur elle, là. Ça, c'est ça aussi. J'ai jamais rencontré John Lajoie, par contre. Ah ouais, nous autres, on a fait ça. C'est vrai? Ah ouais. Est-ce qu'il est aussi drôle? Non, il est vraiment plate en personne. Ben, il est pas très francophone, fait qu'il était poli. Hey, c'est fun d'être là. Yay! C'est ça, c'est ça. Toi, t'es-tu anglophone beaucoup, ça, sûrement? Ça a aidé l'affaire. Depuis que j'allais à Musique Plus, j'étais absolument pas anglophone. C'est pour ça que genre, je commençais l'émission. Puis comme, aujourd'hui, on accueille Rancid et pour lui parler, Rebecca. Ça, c'était comme la stratégie générale. À force de cours privés, puis j'allais travailler en Ontario durant 2 ans. Fait que je m'allais un peu mieux la langue de Shakespeare. T'as-tu des histoires de l'Ontario? C'était loin, puis c'était plate. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais oui, j'ai déjà failli être attaqué par un ours alors que je faisais un reportage dans une dompe. J'ai vraiment cru que j'allais mourir là-bas. J'ai vu une meute de loups à côté de Gogama entre Sudbury. Fait que beaucoup d'histoires d'animaux. Oui, c'est ça. Beaucoup d'histoires les humains sont un peu plates en Ontario, c'est ça. J'ai fait plus de reportages animaliers sur la neige que sur les humains, j'en conviens. La neige, hein, ce phénomène. Exactement. Non, c'est ça. Là, ton affectateur, le matin, tu te lèves, là, c'est comme, OK, parfait. Donc, il fait moins 50 dehors à Timmins. Aujourd'hui, il y a un avis d'Environnement Canada de ne pas sortir dehors. Va faire un vox pop pour demander aux gens pourquoi ils ne respectent pas l'avis. Puis t'es comme... Toi, t'es comme genre toute l'après-midi dans le centre-ville, puis t'essayes de parler au monde. Moi, c'est parce que je vous pose des questions. Vous autres, c'est quoi votre excuse? Voyons donc. J'en ai fait genre 2 fois en 2 ans. C'est comme un marronnier. Il y avait comme un boulier, sans doute, qui ressemble à ça. Je sais pas si t'es au courant, mais c'est la ville de naissance de Shania Twain. J'ai couvert la fermeture du musée Shania Twain. Si tu veux, j'entends un peu chanter. La fermeture? Oui. Il avait investi 10 millions de dollars en se disant que ça allait attirer beaucoup de monde. Ben non, il n'y a personne qui va à Timmins. 10 millions de dollars, c'est une espèce de gros temple. Puis là, finalement, c'est il y avait le Graceland. Ça a fonctionné la première année, deuxième année. Il y avait des vieilles robes de Shania. Puis évidemment, après 5 ans, il n'y avait plus personne qui y allait. De toute façon, tu vas te faire comme un détour de 13 heures de Montréal pour aller voir le musée. C'est vraiment loin. Donc, ce qui est le plus weird, c'est une de mes anecdotes préférées à propos de Timmins. Parce que moi, je viens de l'Abitibi. Quand on est allé dans l'Ouest, on est passé par Timmins. Ben oui, et mettons, là, il est écrit 310 km Timmins. Tu sais, t'as la pancarte qui t'annonce. Puis là, tu fais 50 km, puis il est écrit 260 km, le musée de Shania Twain. Là, tu refais 50 km, 200 km, le musée de Shania. Ouais, mais tu peux même pas, il n'y a pas de chemin, là. Tu peux pas le manquer, tu sais. Ils vont t'y envoyer de gros de force, mais là, il n'existe plus parce qu'ils ont trouvé de l'or en dessous du musée. Puis mais no joke, ils ont revendu pour plus que le 10 musée. Millions. Exactement. La mine a racheté le musée, puis ils l'ont dynamité pour faire un open pit. No joke! Mon rêve. C'est sublime! On enlève-tu le stock avant ou. Wow. C'est ça. On va mettre une coupe de sang de plus. Mais mon rêve, c'est ça, c'était comme de devenir une vedette locale et d'avoir comme la chance d'être la personne qui fait sauter là, dans les cartoons. Là, mais non, ça, j'ai pas réussi. Une histoire de Timmins, je m'attendais pas. À... Puis là, t'es revenu à Montréal pour de bon, là, c'est l'amour qui t'a ramené. Peut-être pas pour de bon, mais pour un bon moment, puis je suis très content d'y être de retour. Bump, dude. Bam! T'es à 70% à partir de maintenant, il va y avoir des gens. Mm-hmm. Ce ne sont jamais les mêmes personnes 2 fois, donc ils ont des qualités différentes. Absolument. Et là, ils vont passer au micro. Est-ce qu'il faut que genre, je me retourne puis je tape sur ma chaise puis je me retourne quand si j'aime ça? Si tu veux, ça va être la première fois que quelqu'un fait ça. Sens-toi bien à l'aise, t'es à 70%. Parfait. Parfait. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. On peut applaudir Nabi. Ben oui. Et ça ne fait que commencer. Mesdames, s'il vous plaît. Du haut de sa tour, il guette comme un vautour, terrifiant. Le On a une thématique univers fantastique aujourd'hui. Toi, t'es un sorcier maléfique. Ah, OK. Ouais. Ça lui va tellement bien. Oui. Vas-y, Bruno. Oui, Daniel Card était sur un vol de United Airlines qui s'apprêtait à décoller quand un homme visiblement intoxiqué s'est installé à côté de lui. Après s'être assis, l'homme aurait sorti son pénis et se serait mis à uriner sur la jambe de Card qui a tenté d'arrêter son compagnon de voyage sans succès. Éric Salvay? Non. Après maintes obstinations avec l'équipage, Card a réussi à changer de siège, mais a dû passer le voyage couvert d'urine. Il poursuit, bien sûr, la compagnie d'aviation pour dommages et intérêts. Parce que, c'est ça. Un homme de Bismarck, au Dakota du Nord, était dans une station-service et tentait d'allumer une cigarette avec une pompe à essence. Aperçu par les policiers, Skyler Whitebull aurait refusé de remettre la pompe à sa place et aurait adopté une position de combat lorsque confronté par les policiers. Après que les 10 policiers aient contrôlé l'homme, ils ont trouvé une petite quantité de méthamphétamine sur sa personne. L'homme a été arrêté et accusé de possession simple de méthamphétamine et d'avoir résisté à l'arrestation. Ah boy. Il voulait allumer sa cigarette avec une pompe à essence. Ça me rappelle dans Zoolander, là, quand il fait le speech de ses chums qui sont morts, puis il dit dans une innocente bataille d'essence. Let's go next. Oui, une femme de Cheltenham, en Angleterre, voulait fumer une puff de cigarette, mais ne voulait pas empester sa maison. Elle a donc décidé de sortir la tête à travers les barreaux décoratifs de la fenêtre du deuxième étage. Lorsqu'elle aurait tenté de sortir la tête, elle serait demeurée prisonnière des barreaux. Tentant de se déloger, elle se serait étouffée à mort quelques instants plus tard. L'alcool aurait joué un rôle dans cet incident. J'espère au moins comme une petite excuse. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle voulait pas descendre fumer dehors. Non, elle voulait rester au deuxième puis passer la tête par la fenêtre. Mais elle était chez elle. Elle était chez elle, oui. Vous avez vu l'histoire de la fille qui était dans une date Tinder puis qui a essayé de lancer la crotte? Tiens, c'est ça aussi, ça n'a pas de sens. La crotte qui reste coincée entre les deux fenêtres, qui tente d'aller les chercher, qui reste la tête prise, puis il faut que les pompiers viennent la sortir de sa date. Oui, ça. Ces histoires-là, je trouve ça tellement triste. Ça fait mal. Mais ça a créé un couple, celle-là, au lieu de détruire une vie. Mais comme malgré tout, tu racontes aux enfants, c'est comme comment vous êtes rencontrés? Comme j'ai justement des découpeurs de journaux. Dans les journaux. C'est grave quand même. Chier dans un sac, ça l'a bien impressionné. Le beau départ. Puis là, ben, tu sais, hein, les gauchers, souvent, ça va chercher de la main gauche, puis ça observe de la main droite. Fait que ça veut dire que sûrement que sa main gauche, pour toujours, on peut l'imaginer. Ouais. Je pense qu'on passe au prochain. Ouais. Merci Bruno, on te revoit plus tard dans l'émission. Mesdames, s'il vous plaît. Qui voudrait sauver la veuve et l'orphelin. Pourtant on lui donne les pires besognes. Aller tirer le lait, s'occuper des poulets. Son plus grand chagrin qu'il ne se passe rien. Merci. Wow. Merci beaucoup. C'est moi le chevalier. Du patelin. Le Arnaud chevalier Dette. De l'Internet. Le chevalier de l'Internet. Oh, tu nous ramènes dans les... Ben, tu sais, des médias sociaux. C'est bientôt l'Halloween, hein? Et qui dit Halloween? Ben, dit frousse, trouille. Esprit. Occulte.net. Plombage qui décolle à cause de la tire. Ben oui. T'avais pas fini Occulte.net? Ouais, mais là, je suis allé tirer vraiment dans le fin fond des vieilles dates, là. OK. Parce que, ben, c'est ça. Moi, je peux pas faire des chroniques la semaine prochaine. Je vais vous faire de la belle musique. C'est vrai, toi t'es la house band la semaine prochaine. Ben oui. Fait que on peut commencer ambiance. Donc on est dans la section fantômes. Les témoignages. On commence avec pseudo Sassa. Son prénom Sabirna. Elle vient de Neuilly en France. Histoire. Depuis que j'ai déménagé, j'arrête pas de voir un fantôme passer très vite de droite à gauche. En traversant le mur chez moi, avant c'était « Et cette nuit, mon écran d'ordinateur s'est allumé tout seul, ainsi que mon imprimante. Les plombs ont sauté et se sont remis tout seuls en route. Que ça peut signifier? » Sachant bien que là où j'habite appartient à mes grands-parents, car j'ai déménagé pour aller dans la maison à 14 ans et demi. Et actuellement, j'ai 22 ans. Et là, aujourd'hui, même mon copain dans mes bras a aperçu un fantôme ouvrant et fermant Michel à Lucia à gmail.com, la porte fermée. Je suis inquiété. Et d'après lui, soit je vais bientôt déménager, soit un de mes grands-parents va décéder. Que faire? Aidez-moi. Fait que, tu sais, c'est comme son chum, genre, ah, l'imprimante est partie, puis l'ordinateur a ouvert. On s'en va, sinon je tue ta grand-mère. On poursuit avec Jonathan. Ah, tu as rien répondu? Non, je leur ai pas écrit. Ils me répondent jamais, tabarnak. Ouais, c'est vrai. Faut dire que... Donc, celle-là, je l'ai bien aimée parce que ça vient du email giselle.martin@rogers.com. Mais le pseudo que Gisèle Martin s'est donné, c'est Jonathan. Et le prénom, c'est Martin. Écoute. Puis ils viennent de Edmonton au Canada. C'est au Nouveau-Brunswick, ça. Ouais. C'est les Braillons. Ouais. On en parlait longtemps des Braillons. Rock voisine. On commence avec Gisèle Martin, Jonathan Martin. Chez moi, il y a des chats qui ont mouru. C'était nos anciens chats. 15 ont été au refuge. 3 ou 4 ont mouru au refuge. Et chez moi, environ 10 ont mouru depuis qu'on t'a pu. De chat, il mente. Un soir, dans ma chambre, en cause, j'ai un Xbox 360. Il y a comme une lumière pour dire que si c'est bon ou pas, juste pour savoir s'il est faible ou pas, qui reflète sur mon bureau. AUX. Pas de... Ben, pluriel. En tout cas. Et je vois avec un X un nombre d'un chat... Sentir un chat sur le lit comme couchette et marcher, tendre des miaulements de bébé chat et grand, le plus triste, ces miaulements de mon chat Miquette, mon meilleur ami, je l'ai vu de mes propres yeux et encore aujourd'hui, ça fait la même MIME chose. Miaou. Vous avez peur, hein? C'est important de se relire avant de peser send. Je pense qu'il y a... C'est comme l'enfer de Guy Bertrand. Il aurait dû... linguistique. Gisèle aurait dû commencer par vérifier son nom, si qu'elle s'appelle Jonathan, finalement. Faudrait en faire une version, une dictée, genre, à un moment donné. Oh, j'ai escapé dessus, ça. Oh, non, non. On continue avec Aurel. Puis là, vous imaginerez jamais qu'il s'appelle Aurélien, finalement. Il vient de Pontierry, en France. Ça s'est passé dans les Yvelines, chez ma grand-mère. Je jouais à cache-cache. Avec mon coussin. Et je me suis caché dans une chambre où je n'avais pas fermé la porte. Il y avait une serviette accrochée à la poignée. Et là, j'entends un grand bam. Je me dis, mince, il m'a trouvé. Je regarde vers la porte et je vois la serviette tomber et la porte s'ouvrir, mais pas de trace de mon coussin. Je sors de la pièce et va à sa rencontre. Il était à l'autre bout de l'étage. On était seul à l'étage. Sinon, depuis, il ne m'est jamais rien passé. Fait qu'il y a une serviette qui est tombée chez eux. Hein? Puis son coussin était à côté de lui, puis il s'est ramassé à l'autre bout de la pièce. Ouais. C'est peut-être ça qui est inquiétant, oui. Le ouais. coussin qui Beaucoup se de tissus épeurants chez eux. On continue avec Para, prénom du 74. C'est trompé. De Annemasse, en France. Excusez, c'est... On salue tous les Français. J'ai une grippe de la frousse. Continue. Un soir, en me réveillant, j'ai vu une silhouette avec des sortes de bandeaux. Je la vois défiler dans mon couloir. Je me rendormis. Bon. Le lendemain matin, je réfléchis sachant que mon voisin avait voulu se suicider en se brûlant. Une heure plus tard, après, j'ai appris que mon voisin était mort. Ouais. Voyons! Oui, je sais, c'est fou. Les gens qui veulent se confondus. Les gens qui veulent se suicider meurent. C'est très épeurant. On continue maintenant avec deux petites dernières. OK, on y va deux petites dernières. Carla, prénom Camilla, de Limay, en France. Je vais vous parler des fameuses apparitions dites « femmes blanches ». Il y a plus de 30 ans, nous habitions dans une maison dans les Yvelines de Limay. Ma mère, alors qu'elle se tenait dans une cour close très ancienne, des traces de fossiles d'un sol lointainement recouvert par la mer. J'incite sur l'adjectif « clos ». A aperçu une apparition de femme blanche lui faire un signe de la main. Le temps de s'est retourné et cette dernière s'était évanescée. Plus beau choix de mots de la soirée. Il a aperçu une apparition aussi. Oui. Bring me to life. Oui. Dans la culture orientale dont nous sommes issus, cela est bon présage. Ma mère a même cru qu'il s'agissait de sa tante. Deux points, prémonition, virgule, intuition, deux points. J'aime ça comment tu rends la phrase lisible avec ta voix. T'es le meilleur pour ça. T'es le chevalier de l'Internet. Chevalier de la ponctuation. Donc, c'est ça. Mais si tu vois une femme blanche qui te fait allô, là... Prémonition. C'est un bon présage. C'est un bon présage. C'est deux points, bon présage en passant. Deux points. On est-tu rendu au bout? Il t'en reste une rapide. On finit avec Mageia. Pseudo Mageia, prénom LOL, de Lavé Village en Suisse. L'histoire. J'ai mon chien qui regarde sans cesse S-A-I-C-E. Dans la chambre de ma mère et il m'est arrivé de ne pas me sentir seul. J'entends des bruits des fois. Merci. Merci. Arnaud Dette, mesdames, messieurs. Ça donne envie d'invoquer comme l'esprit d'Antidote, genre « J'appelle sur moi l'esprit d'Antidote! » Ou « Light the word », là. Ou « Light the word », même ça. Le trombone, qui remplaçait toujours mon nom par « nazi » dans tous mes travaux. Fait que quand j'étais comme petit, j'étais trop paresseux, puis je faisais comme « replace all ». Puis là, comme tout mon travail arrivait, puis je le donnais au prof, puis était comme « nazi Alexandre Chartier ». Genre, est-ce que t'aurais pu dire « autocorrect » C'est à cause du N majuscule, genre. C'est, ouais, genre N majuscule, ABI, il était comme non. Te reconnais-tu là-dedans un petit peu les nazis? T'es-tu. Non, j'irais assez peu. De manière générale, assez peu, à part sur peut-être le port des Doc Martens, mais c'était à peu près tout. Très bien dodgé, hein, ça. Il est tellement taquin, c'est capoté. Tu te loues-tu pour Noël, des fois? Tu fais ça si on a besoin de toi à un moment donné? Ça me fait plaisir de venir à votre partie de Noël. Puis en plus de ça, c'est aussi autre anecdote véridique. Moi, je suis mulâtre. Ma famille avec qui j'ai grandi a été blanche. Mon père est noir, mais il habite pas au Québec. Puis, depuis comme une dizaine d'années, à chaque année, c'est moi qui fais le Père Noël. J'espère que comme ça berne qui que ce soit genre dans la famille. Parce que parfait, tout le monde est blanc. Il y a comme le seul black qui part puis il revient. C'est le Père Noël. Ouais, moi, j'ai tout le temps dit, si Jésus il est blanc, finalement, le Père Noël peut pas être brun. Absolument. Bien d'accord avec toi. C'est bon, ça. T'es-tu prêt pour le prochain chroniqueur? Yes. Je pense que... Dis-le. Dis, on pense. On est prêt au prochain chroniqueur sur 70% jusqu'à 23 ans. Par-delà les frontières, jusqu'au centre de la terre, tous les goélands l'escortent en chantant. C'est tellement beau, merci! Merci! Hey, va falloir monter ça une en arrière de l'autre pour comprendre toute l'importance de l'histoire qui est en train de se dévoiler. Tu nous offres de quoi poursuivre le chevalier? Oui, Je venais vous parler d'une couple de trouvailles comme ça que j'ai faites dans les dernières semaines côté pub. Mais là, je suis occupé, je suis en train d'enlever toutes les pubs d'Éric Salvaille de mes émissions. Mais par contre, j'ai trouvé une vieille pub avec O.J. Simpson dedans, fait que... Ouais, c'est très tout capoté, c'est ça. Ah, oh, amène-moi-en un autre. Lui, s'il en veut une autre. Non, mais moi, je dis que Éric Salvaille puis Gilbert Rozon devraient faire la prochaine pub de Saint-Hubert, tu sais, je verrais ça. Des discussions de cuisses puis de poitrine. Gilbert Rozon a donné son cachet à son avocat, tu sais, des trucs dans ce genre-là. Éric Salvaille se met en mode Salvaille, là. Ça va vraiment rester, ça. Faut pas faire ça, se mettre en mode Salvaille. La personne qui a le tatou, là, la pauvre fille qui a le tatou en mode Salvaille, là, ça ouais, change ouais, un il peu. Il y en a plein. Hein. Ouais, là, il ouais. y a le maître de Sorel qui dit « On est avec toi ouais, ». Ouais. Pourquoi tu veux être avec ça? On est derrière toi. On est derrière, ouais. C'est ça, c'est la place safe. Ouais, c'est ça, ils sont derrière. C'est eux autres qui se mettent en mode Salvaille vis-à-vis Eric. Donc, vas-y, continue. Sinon, j'ai trouvé une pub de Diet 7-Up, puis c'est une lectrice de nouvelles qui, pendant qu'elle fait ses nouvelles, elle se met en costume de bain, puis elle plonge dans le 7-Up, finalement. Ça doit aller mal faire des nouvelles, par contre? Ben, oui. Non, c'est ça, elle finit ses nouvelles, elle est en costume de bain, un costume de bain rouge, puis elle plonge dans le 7-Up. Moi, Diet 7-Up. Dans le Diet 7-Up, oui. Ouais, okay. Moi, j'ai toujours rêvé de plonger dans le liqueur, mais je suis sûr que c'est le genre de rêve qui est plus le fun comme rêve que dans la vraie vie, parce que, je sais pas. C'est vrai. Ça doit être ramasser, tout collant après. Faut ramasser collant à bien des places. Puis là, t'as l'impression que tu gaspilles. C'est-tu collant, Diet 7-Up? La Spartan, ça... Ah, oh, ouais. Ouais. Moi, je suis pas un buveur de ça. J'ai jamais testé le bain de 7-Up, mais ouais, c'est l'instinct, ça. Je dirais oui. Question pertinente? Il faudrait que... Je vais tester ça un jour. Ouais, il faut essayer de retrouver cette fille-là pour lui demander, en fait. Oui. Ouais. Ben, ou le faire avec Céline Galipeau. Ah, la, ouais, la, ben la refonte ouais. du téléjournal, non? Tu demandes... Céline, tu vas te mettre en costume de bain rouge. Et sauter dans un pit-pain. Tu vas sauter dans la barbotte. Je verrais ouais. Pierre Bruno aussi faire ça. Je vais interrompre mes nouvelles pour aller prendre une plongée dans le 7-Up. Si tu le fais, comme invite-moi puis je vais filmer leur réaction. Ça, tu vas leur demander. Travail d'équipe. Puis sinon... Ben sinon, j'ai trouvé les pubs avec des animaux qui sont contents de se faire manger. Ça, c'est weird. J'ai vu, je pense que je te l'avais montré, celle-là, une pub anglaise de panure de poulet, comme du shake and bake, là, dans le fond. Ouais, le poulet cherche un restaurant. Le poulet se promène, il passe devant une discothèque, ça y tente pas. À un moment donné, il y a une poule de luxe qui l'invite à être, tu veux-tu avoir du fun? Puis, genre, ça y tente pas. Je dis poule de luxe, c'est vraiment une poule. Ouais, ouais, c'est un poulet. Puis après ça, il passe devant la boîte de panure de poulet. Puis il est comme, ah, ça a l'air le fun. C'est là que je vais aller. Il y a aussi le homard qui se met en complet cravate pour aller chez Red Lobster. La mauvaise surprise ouais. quand il arrive. Deux affaires là-dessus. Oh, yeah. Okay. Moi, j'aime ça faire la joke quand ben là, je vais plus chez Red Lobster, mais quand je vais dans un restaurant avec des homards ou avec des poissons dans un aquarium, je dis tout le temps, on va se revoir dans l'assiette. Ah ben oui, comme ma mère, c'est ça. Tout le monde, là, ben oui, c'est sûr. Tu t'en fais une affaire personnelle. Ouais. Nous allons ne devenir qu'un. Sinon, j'ai vu une pub régionale de Cap de la Madeleine, c'est yes. Dino Burger. Le Dino. Ouais, c'est une des imitations que je suis capable de faire. Je suis capable d'imiter Dino. Ouais, mais tu sais, il y avait des... Est-ce que vous voulez que je le refasse? Ouais. Vas-y maintenant. OK, là. OK, go. Go. Dino! Là, il saute dessus, là. Ça finit tout à temps pareil. À quoi qu'il sert, Dino? Écoute, cette pub-là avait absolument rien pour elle. Il y avait une animation de Dino, mais tu sais, de l'animation dans une pub régionale de 89. Faut pas s'attendre J'ai vraiment hâte de la voir, en fait. Ouais, ouais. C'est ça. Puis, en tout cas, il y a des mauvais comédiens. C'est filmé dans un restaurant. Le narrateur, il a l'air d'être comique, mais il n'est pas tant que ça. Puis en plus, il y a la toune des Pierres à feu qui joue en background et j'ai aucune idée s'ils ont payé des droits à quelqu'un. Moi, je pense que tu le sais. Oui, c'est ça. Poser la question, c'est répondre. Regarde dans ton cœur, tu y trouveras la réponse. 1989 était une autre époque. Sinon, j'ai remarqué que les deux types de chansons d'envie qui parlent de liberté, c'est les hymnes nationaux américains pis les jingles de serviettes sanitaires. Il y a deux affaires qui parlent de liberté dans des chansons. Bleu, c'est blanc, ça. Rouge, man. Ouais. Sinon, j'ai vu une pub de Diet Coke avec Roger Rabbit et Jessica Rabbit qui inspirait... J'ai pas de joke à faire là-dessus. Je tentais juste d'en parler. Je pensais pas que Jessica Rabbit se serait prostituée à une marque, par contre. Ouais, elle dit oui, là, elle signait pis tout. Ouais. Jessica. Sinon, j'ai aussi trouvé des pubs avec des toilettes qui parlent puis qui chantent. Yeah! Ah ouais. C'est un petit peu comme le phénomène des animaux qui sont contents d'aller se faire manger. Tu sais, des toilettes qui parlent ensemble, ça peut juste se raconter des anecdotes de merde. Oh! Il est allé là. Ben sinon, ben c'est pas mal ça. Sinon, je pense ben, que c'est un bon high pour finir. C'est ça. Ben sinon, ben j'ai une émission sur YouTube puis je ramasse toujours les cassettes. Je commence à être en manque. Ah ouais, de VHS, de VHS avec ah ouais. Des ben avec des pubs. Ben il est là, c'est lui qu'il faut que tu têtes. C'est lui en a plein. Ben je connais quelqu'un qui a une vidéo bêta. Bon ben on s'en reparle quand on fait pas un show. Non, parlez-en en onde. Ouais, c'est ça. Merci Jonathan Simon, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, on l'applaudit. Tellement. As-tu déjà fait ça, une publicité, toi? J'ai fait des pubs absurdes quand j'étais à Musique Plus. On en faisait régulièrement, mais la pire, je pense, c'était une pub de Pop-Tarts. Puis toute la journée, il y avait quelqu'un qui maquillait la Pop-Tarts. Fait qu'il y avait comme plusieurs boîtes, un fer chaud. Puis là, il venait comme gratter pour que le glaçage soit parfait. Puis il en faisait comme plusieurs. Puis là, ils nous ont fait tourner devant des écrans verts. C'était super compliqué. Finalement, le résultat, c'était Isabelle Desjardins puis moi avec une pop-tart qui tournait derrière. C'était absurde. C'était comme, quoi? Tous ces efforts déployés pour donner ça? Genre, for real? Puis concernant ce qu'il disait, il parlait de Cap la Madeleine. Si jamais vous avez l'occasion de passer là-bas, je vous conseille vivement le Penn-Mass, comme Pennsylvanie et Massachusetts. C'est un motel qui a un décor d'un intérieur hitchcockien qui fait vraiment très, très peur. Là. C'est comme un mélange entre le chevalier et la chronique de une de affaire pub. À découvrir. Il y a quelque chose à découvrir. Je suis né là, moi, à Cap de la Madeleine. Puis t'as jamais allé au Penn-Mass? Je suis jamais allé au Penn-Mass. Non, c'est particulièrement effrayant. Ils t'ont pas convaincu la première fois. Ils m'ont pas, non, c'est ça. Mais merci beaucoup, moi. En plus, c'était l'époque, les Pop-Tarts, avec une de mes campagnes de publicité préférées. Des fois, j'y pense avant de m'endormir, mais tu sais, quand le gars faisait BIM! Puis là, la Pop-Tart, ça sautait. Elle faisait un lowrider. Ah oui, ouais. Mais il y a des pubs comme ça qui restent, comme moi, là, l'affaire de mais, hey, McCain, qu'est-ce que tu as fait à mes frites? J'ai surmochonné. Je dois le répéter comme une fois par trois mois. Là. C'est tellement le meilleur investissement qu'il aurait pu faire pour leur compagnie. T'as une petite fibre de collectionneur de ces affaires-là? D'idées stupides, oui, ça arrive souvent. Puis les gens sont comme, pourquoi tu penses à ça? Je pense que tu vas aimer ça ici, en général. J'avoue que je suis plutôt bien jusqu'à maintenant. Il y a du plaisir, on l'a, les gars, on l'a! OK, passe au prochain! C'est Martin Godet in the house. Allô. Ben oui. T'as bien. Je suis en retard parce que je voulais entendre cette magnifique pièce. C'est capoté. Et hein? La comprendre. Mais je vais la réécouter dans le podcast parce que j'étais trop énervé qu'il y ait quelque chose pendant que je m'en vais quelque part. Hey, salut Tommy. Salut Martin. Ouais, hein? Ah, écoute, moi, j'ai pas vraiment de chronique, si ce n'est que je pense que je vais profiter de cette tribune, Tommy, pour faire un coming out. C'est que j'étais le musicien présent lors de la soirée d'hier oui, où tu as assisté. Oui. Donc, je m'assume complètement. Et oui, effectivement, tu as vraiment fait diminuer la moyenne d'âge par trois, probablement. Ah, c'était capoté. Et les... les body parts pas en plastique par quatre, probablement aussi. Mais, puis, Martin, d'ailleurs, je veux te féliciter parce que, ou en tout cas, pas pour hier. Non, mais ben oui, parce que sérieux, ton médecin, il l'a dit, là. Ton médecin, il l'a dit, là, tu peux plus aller vite de même depuis ton accident. Écoute. Puis il guitarait vraiment vite, là. Ah, ben écoute, je voulais que la soirée finisse. On va aller vite. Mais non, puis écoute, en même temps, tu m'as demandé, on fait comme un espèce de retour aux sources, hein, parce que je me souviens, jadis, naguère, je faisais des chroniques de lutte avec toi à radio, ben oui, dans ben le oui, temps, dans, Choc FM, dans le temps de Saumur Fécal. OK. Fait que... Simon-Pierre Bilodeau. Simon-Pierre Bilodeau. OK, OK. C'est des noms, ça? Le ouais, premier ben, aussi? Ben, Simon-Pierre, tu t'en rappelles? Oui, bien sûr, mais le premier, c'est son nom? Ben, je l'appelais Saumur Fécal. OK, c'est un nom. C'est juste ça, je voulais savoir. C'est correct. Parce que je suis un romantique. Non, puis j'ai pensé de te raconter des affaires un petit peu... des anecdotes de lutte, parce qu'il s'avère que, oui, je suis l'animateur d'un podcast de lutte. Capoté. Qui s'appelle Le Carré Rond, que vous retrouverez à tous les endroits usuels. Puis j'ai pensé peut-être te faire genre un mini top 3 d'affaires qui n'ont aucun bon sens, qui se sont passées dans l'arrière-scène, si on veut, de la lutte, parce que c'est vraiment ça la thématique du show. Je ne vous commenterai pas le dernier gala et ces affaires-là. Je raconte bien plus des affaires qui n'ont aucun bon sens, qui parce sont que passées. Toi, tu es un petit peu comme le Hubert Reeves de la lutte. Oh, tabouin, toi, tu vulgarises un domaine très aride pour transformer ça en anecdote intéressante. En roulant TR. On pourrait right? dire ça, ouais. Ouais, ouais, puis là, je starte la barbe. Fait que, non, mais écoute, mon nom dans une phrase qui contient Hubert Reeves n'a aucune place là. Mais il reste quand même que... Oui, c'est ça. Fait que je vais te conter une première anecdote. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui se rappellent de qui est, parce qu'il est encore en vie, le Iron Sheik? C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui sait qui est le Iron Sheik ici. OK, ben il y en a deux, c'est cool. Quelle surprise, ce sont des gars. On parlera de plus de monde plus connu, mais en fait, c'est que l'Iron Sheik était... En fait, c'est une personne qui vient de l'Iran. Avant d'être lutteur, ce gars-là, il était en fait bodyguard pour le chat d'Iran, en plus. Là, oh, c'est, gros contrat. Ouais, tu le liques un peu, mettons. Fait que quand, ouais, exact. Puis quand il est arrivé ici, en fait, il a tellement adhéré à la culture américaine que tu sais, il est passé de être un athlète de calibre olympique, coach de l'équipe américaine. Imaginez-vous, un Iranien était assistant coach de l'équipe de lutte gréco-romaine des États-Unis. Des années 70, ça devait être quelque chose, là. Je ne sais pas s'il avait fait son coming out d'Iranien, mais en tout cas. Puis... À un moment donné, la WWF, la fédération de lutte pour laquelle ils luttaient, ils ont décidé d'instaurer en fait des tests antidopage, tu sais, juste pour faire sûr que les gars n'étaient pas tout pétés avant d'aller faire un combat et tout ça. Puis, fait que là, ils ont dit, hey, Iron Sheik, son nom, c'est Cosgrove. Fait qu'ils disent, hey, Cosgrove, faut que tu passes un test, faut que tu fasses pipi d'une affaire, puis il faut qu'on te fasse des patentes, puis tout ça, tu sais, pour savoir si t'es gelé, puis si t'as des problèmes. Fait que il fait ça, puis je sais pas, peut-être deux, toi. Dans ce temps-là, ça te prendre 6 mois avant d'aller voir les résultats, tu sais pas, là. Mais là, il dit, OK, hey, on a reçu tes résultats, viens-t'en. Puis c'est sûr que si vous connaissez pas le personnage, ça va être une genre d'anecdote, vous auriez dû être là, mais il comprenait tellement pas la langue anglaise que quand ils ont dit, pipi, mes résultats, c'est positif. Yes! Yes! Là, il faut qu'il explique. Elles ont, non, c'est pas bon, là. You said positive! Là, écoute, là. T'sais, là, on parle d'un gars quand même que, t'sais, assez prédominant dans le monde de la lutte. Quand Hulk Hogan... Qui, là? Bon, Hulk Hogan, là, je suis sûr d'avoir des mains dans les airs, s'il vous plaît. Merci. Je parle pas du dernier scandale de perv de Gawker, là. Je parle du lutteur dans les années 80. C'est celui qui a fait de la chanteuse. Pardon? Le père de la chanteuse. Oui, exact. Ben, c'est ça. Tu vois la réaction quand tu dis la chanteuse. Oui, il donne mais, la réplique. C'est ça, c'est comme... Il donne la réplique à Calmarotte dans Ultime Mission. Exactement. Ben oui, exactement. Ça, c'est mon domaine, ça. Oui, ça, tu vois. Oui, c'est ça. Les puis, c'est ça. Fait que juste pour donner une idée de l'Iron Sheik et de quel point sa capacité de parler en anglais était relativement insipide à l'époque, c'est que c'était quand même un lutteur prédominant parce que c'est de lui que Hulk Hogan a gagné son premier championnat à la WWF. Donc, c'est le genre d'histoire que vous allez entendre, bien sûr. Puis il y en a des vraiment pires, là. C'est parce que il y a des dames devant moi, alors je peux pas toutes les réciter. Mais... OK. Hey, là, je vais-tu te faire comme l'anti-MeToo de l'histoire de l'humanité, genre? Là? Ouais, c'est ça. Stay woke. Stay woke. Ah non, c'est ça. Là, je suis vraiment woke bémol en ce moment. Mais non, c'est ça. Fait qu'écoute, à part des accrochages de langage complètement ridicules comme je viens de le faire, il y a des très bonnes histoires. Et voilà. Et puis, c'est disponible. Là, c'est un peu en pause pour plein de bonnes raisons. Et des mauvaises aussi, mais c'est les lundis soirs à 20h, donc c'est disponible sur toutes les plateformes habituelles et que vous connaissez. Le corps est rond, Martin Godette. Le corps est rond avec Martin Godette. Et voilà. Excellent. Hey, Tommy, moi, je peux-tu... non, hein, t'as fait ça de même. Hein? Ouais, vas-y, OK, ouais. Ben, moi, j'ai, en ma qualité, ou en tout cas, défaut d'être aussi producteur de podcast, j'ai une question pour Nabi, moi. Je t'écoute. Évidemment que je suis au courant de ton travail et tout ça au niveau de Radio-Canada, puis ainsi de suite. Puis j'avais juste une question, en fait, c'est que... tiens, on va être meilleur encore. As-tu eu vent d'une quelconque façon qu'il y avait, au niveau des podcasteurs indépendants, on va les appeler comme ça, là, au Québec, qui avaient eu beaucoup de questionnements sur... je comprends, là, écoute, c'est Radio-Canada, tout ça, là, ça va de soi, mais si l'émission revient, est-ce qu'il est considéré de les inclure dans ce que tu vas traiter? Absolument, absolument. Puis c'était d'ailleurs... c'était moi qui avais écrit le premier pitch. On était comme genre le meilleur du balado québécois qui avait particulièrement été mal reçu, je pense, auprès des podcasteurs québécois. Puis ça avait vraiment été écrit sans aucune méchanceté. Là. J'en suis sûr. Puis dans le fond, le mandat pour la première saison de À chacun son balado, c'était de mettre en... On a changé après ça le wording. Donc mettre en vitrine les balados de Première Plus. Ouais. Puis ce que nous disait là-bas, c'est que si l'émission revenait, éventuellement, ils aimeraient ça ouvrir. Mais là, c'est que l'émission a été conçue aussi... très rapidement. On est entré en onde comme genre... T'es-tu en train de m'inviter sur ton show? Ben, si ça revient l'été prochain avec plaisir. Ça va me faire plaisir. Ben oui, voyons. C'est ça, mais c'est juste à côté. C'est simplement pour une question de droit qu'il y avait eu comme la décision de juste jouer des balados Première Plus. Puis ben ouais, peut-être écoute, que les gens vont découvrir autre chose. Mais on a essayé avec Gravel le matin cet été de justement le faire découvrir où l'on se donnait comme mandat de ne pas parler, de pas faire de l'auto-promo, mais de présenter justement d'autres balados. Donc ça a été un peu je trouve ça le fun qu'on t'a mis on the spot comme ça. Oui, non, mais vous avez, bien fait. Puis en plus, comme on s'était posé, on dit au début de l'été, la question est arrivée parce qu'on était comme. Moi, en tout cas, moi, j'étais très content. C'était le premier show que j'animais à Radio-Canada. Tout le monde était comme un peu en maudit. Puis t'es comme, ah ouais, j'avoue que c'était pas délicat dans la façon dans laquelle la première promo avait été lancée. Surtout, c'était pas tout à fait juste parce que c'est pas comme le meilleur du balado. C'est le meilleur du balado québécois à Radio-Canada. encore l'humilité cabotine, t'es en train de tout t'en sortir. Avec un peu de transparence. Hein, Nabi, j'ai une dernière question. Si jamais tu donnes des cours de comment s'enlever le pied dans la bouche aussi, je vais définitivement y adhérer. Merci tout le monde. Hey, Martin Godette, mesdames, messieurs. Pour revenir sur la lutte, moi, c'est une belle illustration comme de l'interdit puis de à quel point ça peut devenir tentant. Parce que quand j'étais petit, j'avais le droit de regarder à peu près tout ce que je voulais, sauf la lutte. Parce que comme ma mère avait eu, je sais pas, une le mauvaise football, anecdote... C'était correct, mauvaise, mais pas le football, c'était correct. Non, ça, c'était comme violent, dégradant et tout. Fait que là, mais c'est le vrai samedi que à 11h, genre, dans, que dans ça la jouait, lutte, le gros problème, c'est que quand les gens gagnent, ils insultent le perdant. Ça, c'est vraiment pas une belle attitude à avoir. Je peux comprendre. je sais pas exactement. Il faudrait que j'en discute avec mes parents pour voir qu'est-ce que c'était les motivations. Mais en tout cas, j'avais pas le droit d'écouter. Fait que le fait de pas avoir le droit, comme quand il partait faire des courses, ma mère partait faire des courses le samedi matin vers 11h, là, je me faisais une joie d'écouter. Fait que c'est comme ça que j'ai pu découvrir Goldust, The Undertaker et tous ces autres personnages. Puis c'était tellement plus fun parce que j'avais comme pas le droit, tu sais. C'est comme pire que t'es en train de regarder de la porn, t'es en train de regarder comme un match de lutte. Non, elle va peut-être l'apprendre en écoutant le balado. Oh, mon petit maudit! J'ai déchiré ma cheville. Esti, excellent. Merci, Nabi. Il est super cool. Mesdames, je pense qu'on va passer au prochain. Non. S'il vous plaît? C'est le temps d'une toune. Ah, ça, c'est encore mieux. Parfait. Le sapping et le banjo sont pactés. Les petits sandwichs, pas de croûte dans la glacière, ont décongelé. Entre la canicule et la neige à radio, le plaisir subtil de compter les roadkills. Oh yeah! 1, 2, 3, 4 cases de chat. 4, 5, 6, mais j'ai pas vu de chien saucisse. Une marmotte morte et la liste s'allonge en haut. l'air fort coulon. Oh yeah! J'ai vu un tout petit lapin sauter vers son destin. Les corbeaux s'amuser avec les intestins. Une marmotte morte, les intestins de lapin. Et la liste s'allonge en route vers fort coulon. Dans une boîte noire et blanche qui ne laisse personne confondu. Une bouffette ne pourra plus. Ces délicieux trésors, une famille de canards s'engouffre sous le char. Une marmotte morte, des intestins lapins, avec toi qui pure pu, du tartare de canard. Et la liste s'allonge, toujours vers Fort Coulon. C'est ouais! Afin de rentabiliser les trajets de tournée, traîner sa spatule est bien loin d'être. Cadavre d'autoroute. Oh yeah! Wouhou! Vas-y, René! Beaucoup, mesdames. Deux folles et un banjo. Allez voir ça. Je pense que c'est sur Bandcamp, Facebook, toute la grosse patente. Deuxfolles.com, c'est facile? Deuxfolles.com. On l'a pris. Ah oui, je pense que c'est le moment où on va aller voir où notre artiste visuel en est rendu. Valérie Picotte, qu'est-ce qui se passe? C'est-tu un hamster? Ça peut être un très gros hamster. Ah ouais, c'est correct pareil. Si tu veux, c'est un hamster. Ouais. Moi, ça me dérange pas. C'est un petit gros. C'est un petit oreiller, du Bengale, c'est correct. Ça va. Un hamster tigre du Bengale. Ça devrait éventuellement devenir peut-être un gros hamster du Bengale. Ah, j'aime ça. Avec du gazon, puis du verre, puis des yeux. Je vois que t'as mis des ninjas dedans. Charmante attention. Sont cachés dans le noir. Oui, exactement. Les ninjas, il faut que tu sois entraîné pour les voir. Même le tigre les voit pas. Ouais. Merci beaucoup, Valérie. Ça va être en vente à l'enquête tantôt. Les choses avancent. C'est comment ça va, beau. Ton 70%? C'est moi, Mowgli, et la jungle est mon pays. Hey, j'ai eu 8 ans. Tiens, je vais te laisser toucher ma bulle, vu que tu m'impressionnes. Oh! Vas-y, pèse dessus. Oh! Ouais, oh! Hein? T'en veux-tu une autre? T'as-tu parlé à un médecin de ça? Juste pour préciser pour ceux qui vont pas. Tout est réglé, puis on a ta réaction, on est bien contents. Ah, il reste encore des chroniqueurs, t'es capable? Ben oui, avec plaisir. On est capable, c'est let's go next! Il arrive à pied dans la contrée, par sa réputation précédée. Nul ne connaît ses pouvoirs. Personne ne connaît son histoire. Il arrive, il arrive. Wow. C'était vraiment émouvant. T'as-tu déjà eu une toune pour t'introduire qui était à moitié aussi hot? En tout cas, ça n'a jamais été ma toune préférée. Là. C'est un grand changement. Là, hey, voilà. Ah ouais. La pizza italienne du brouhaha est délicieuse. J'en mange à tous les jours et ça guérit mon anémie. Un ticket de bière de plus. Excellent. Ça faut que ça te sache. Ah, mais c'est une étiquette de bière, c'est une étiquette de bière. Steven, Alexandre, t'es venu nous consommer quelque chose. J'ai pris de 3 bières, je me suis fait. Oui, oui. Oui, je suis venu vous parler, les gars. OK. J'ai enlevé le fromage. Ouais, hey, j'ai eu de la misère à trouver un sujet à cette chatte-là. Puis je me suis rappelé qu'à un moment donné, j'ai été me baigner. Puis je me suis dit que j'allais vous parler de ça, là. Hey, merci. Souvenir estival. Okay, ouais, ouais. La dernière fois qu'il nous a parlé, il est en prison en Chine. C'est tout qui n'est pas pire. Il a une existence particulière et c'est notre token Jew. Jewish up your life, man. Puis, je vais vous conter cette histoire de baignade-là. Elle était particulière. C'était la première fois que je m'organisais mon propre voyage. Puis tout. Je me disais, OK, je voyage. T'avais quel âge dans ce temps-là? J'avais 12 ans. Non, j'avais 30 ans. Ça fait pas longtemps que je voyage, mais j'arrête plus depuis ce temps-là. OK, voilà, la piqûre. Ouais, c'est ça, je suis pas la piqûre. C'était 30 ans, premier voyage, je m'en vais en Indonésie. Oh, shit. Puis, ouais, je suis à Jimbaran parce que mon but en Indonésie, c'est pour une prochaine chronique, je voulais aller visiter le marché de viande le plus fucked up sur Terre. Puis, mais c'était comme stressant d'aller dans un endroit c'est non vraiment touristique. C'est une très belle quête. Ouais, c'est la nourriture weird avant tout, hein, tu sais. Et puis, j'ai commencé par l'endroit super touristique de l'Indonésie qui s'appelle Bali. Tout le monde connaît Bali, même s'il n'y a pas été, tu y as déjà été, là. Tu connais Bali, genre. Puis, that's it, c'était ma raide. Puis, toujours est-il que je me suis ramassé là sur une plage un peu bizarre. C'était juste des Asiatiques qui faisaient des photos de mariage qu'il y avait comme autre. Hey, t'as-tu déjà entendu mon imitation? Genre, il y avait plein de mariages différents. Je peux-tu te faire mon imitation de film de cul japonais? Pour les non-voyants. Je pense que c'est correct. Check ça, c'est pas pire pendant tout. Veux-tu que je te tienne quelque chose? Non, ça va aller. OK. Il faut que tu te refasses la coiffure, hein? Ouais, en tout cas, il y avait des photos de mariage en masse, là. C'était. En tout cas, moi, je suis pas trop mariage, fait que j'ai décidé d'aller me baigner. En plus, j'étais avec mon ex à cette époque-là, puis comme ça mettait un fret tout le monde qui se mariait autour de nous autres, puis tout. Puis je venais de me pogner, man, une GoPro. Puis une GoPro, c'est trippant, tu peux fumer en dessous de l'eau. Puis si t'aimes filmer dans la vie, puis tout, une GoPro en dessous de l'eau, même, tu vas y être fou. Puis j'ai pogné la plus belle des images, une étoile de mer qui marche, Steve. J'avais jamais vu ça de ma vie. Fait que je te l'ai suivi, puis tout. Ouvrir une parenthèse maintenant, la plage avait une forme très particulière. C'était une muraille de roche entre la muraille de roche, la plage et l'océan. Puis tout ça se ramasse à ma gauche, quand je regarde la plage, une espèce de belle falaise rocheuse. Mais ce qui crée un entonnoir. Fait que chaque putain de vague qui frappe la plage, se ramasse dans cet entonnoir-là. Fait que je reçois comme les vagues de toute la plage sur un petit courant. Fait que j'ai pogné le bord, puis je me suis ramassé vraiment loin dans l'océan. Puis je suis comme... Je nage comme un bio, genre. Je flotte, mais je sais pas, je vais être sur le dos, sur le ventre, genre, ça... Là, t'as une GoPro à checker aussi. C'est ça, mec. Là, à un moment donné, ça, je réalise comme... Puis comme je panique, là, je suis vraiment loin de la plage, puis tout. Puis je me dis, bon, ben, je pense que c'est le temps de retourner à la maison, fait que je nage. Et je ne suis malheureusement pas assez fort. Mais il y a la falaise que je vous ai parlé il y a pas très longtemps de ça. Fait que je me dis, moi, juste comme aller... Tu te battais contre le courant, puis t'étais pas capable de revenir. Non, je ne pouvais pas. Puis si je dépassais la falaise, je suis... invisible. Ouais, comme on voit plus. Fait que je me dis, OK, je vais nager jusqu'à la falaise, je vais me ramasser, je vais me tirer jusqu'à la plage. Tabarnak! À peu près 25 à 30 mètres avant, c'est un gros sol volcanique. Ça, t'as des, ça ressemble à des stalagmites, mais à tête plate. Genre, en tout cas, c'est bien spécial. Puis 25 mètres avant la falaise, t'en as partout dans l'eau. Puis moi, les vagues me font rouler là-dedans, puis tout. Mais c'est comme ma seule option, c'est de m'agripper après ça, puis d'avancer. Ouais. Mais c'était extra garni d'oursins, cette affaire-là. Puis, en plus, je me bats contre les oursins. Puis ça, c'est drôle, parce que sur tous les doigts, j'étais piqué en oursin. Les gros orteils loadés d'oursins, parce que je me freinais un peu à l'aide de mes pieds. Les talons aussi. puis je me suis arraché deux ongles en me retenant après les trucs. Ah, j'avais pas le goût là, de mourir. C'est vrai que dans l'eau salée, ça retarde la douleur? L'eau j'ai rien senti, mais je pense que c'est plus l'adrénaline que l'eau salée. Ouais. Là. Parce que, puis, t'as-tu survécu finalement? Je ne sais pas encore, j'attends les résultats de mon médecin. Mais honnêtement, j'ai confiance. Mais toujours est-il que c'est ça, je m'arrache les C'est ça qui t'a donné le goût de revoyager. Ah, au bout. Ça, barnac, va pas sur un à Montréal, je dors là-bas, je lutte pour ma vie, man. Ouais, c'est ça, man. Puis, fait que toujours est-il que mon objectif change pas, tu sais. Je veux la putain de falaise, parce que ça, c'est de la roche, puis je peux me tenir. Fait que je perds mes ongles, je me rends des... C'est calcaire, hein, un oursin. Je sais pas si vous savez ça. Tu peux pas t'enlever les piquants d'un oursin. Il faut que t'es fasses fondre avec du jus de citron ou du vinaigre. Fait que ça t'a fait longtemps, là, le soir. Moi, je me massais au jus de citron. J'étais en mode mieux le citron que le vinaigre. Ça sent meilleur, pis tout. Fait que... Ouais. Mais tôt ou tard, la vague, une des vagues, en tout cas, qui m'a aidé à m'approcher de ma falaise, tu sais. Puis j'ai percuté fort, j'ai cogné un peu le front, ce que les affaires appellent le forehead. Ben oui. Mais je croyais avoir atteint ma planche de salut, tu sais. J'étais comme, OK, je suis correct, tu sais, je vais m'en tirer. Là, il y avait des Amazones qui te lançaient des lances. Il y avait de la vase, il y avait des trucs un peu dégueulasses. C'était pas mal gluant. Mais qu'est-ce qui était le pire là-dedans, là? C'est, sans exagérer le chiffre, j'ai dû faire paniquer entre 500 et 600 crabes. Mais ça s'est mis à courir partout. J'avais ma copine à l'époque qui était sur la plage, puis elle a dit la falaise a changé de couleur. Elle a comme vu ça aller, puis je me souviendrai tout le temps de la phrase qu'elle m'a criée, comme je partais à des rives, puis elle m'a dit t'es-tu correct? Ben, mon air était précieuse. J'ai pas comme répondu parce que chaque puff d'oxygène était compté, tu sais. Mais je me suis ramassé. Puis à l'époque, j'avais une de ces belles tignasses de prince, tu sais, comme ça tenait bien sur ma tête, puis tout. Mais ça tenait bien les crabes et tout. Fait que je me suis ramassé avec des crabes partout. Puis, fait cocasse, ma seule réaction quand je me suis rendu là, ça a été de recommencer à filmer. Puis je tremble tellement qu'on peut rien voir. J'essaie de filmer, on voit rien. J'ai un blackout total. Je sais pas comment je passais de la falaise à la plage. Comme je panique avec les crabes, je me ramasse à la plage, puis je demande aux gens s'ils ont des plasters, puis j'ai les ongles revirés, puis je suis coupé à grandeur du corps, tu sais. Puis là, ben, j'étais un peu tanné de me baigner après ça, comprends-tu? Puis comme j'avais besoin d'autre chose. Ben oui, ben oui. Donc, j'ai décidé de retourner me coucher, là, d'aller voir chez nous. En partant de la plage, premier coin de rue qu'on tourne, barrage policier. J'ai pas de permis au Canada, je n'ai pas plus en Indonésie. En général, c'est facile, tu donnes de l'argent. Ben, j'en avais pas. Fait que, ils m'ont fait arrêter, je me suis arrêté, ils m'ont demandé d'enlever. Attends un peu, là, en général, t'as déjà corrompu des officiers dans d'autres pays? Honnêtement, ça s'appelle pas corrompre truc, là-bas. Non, mais attends. Il y a un truc qui est vrai. Si l'officier te demande de l'argent, il est déjà corrompu. C'est pas toi qui le corromps. Puis, le pot de vin envers un agent de la paix, là, vous souhaitez ça dans votre pays, honnêtement. C'est magnifique, c'est parfait. Ici, là, je me fais pogner là, à conduire, pas de permis de conduire, sans licence, sans rien, pas d'assurance surtout. J'ai des fortes chances de faire de la prison. J'allais voir un juge, je vais avoir des problèmes dans la vie, tu sais. Il suffit de pas s'arrêter. Là-bas, tu donnes 100$, 50$, 20$, puis t'as la crise de paix, hein? Fait que, tu sais, comme, OK, j'ai été puni, maudit, je me suis fait ça prendre de l'argent. Ça vient me coûter une reine, là, mais c'est quoi, tu sors des billes, mais à un moment donné, il dit c'est assez? Faut vérifier. En Indonésie, le tarif, en général, c'est 30$ canadiens pour un policier. Pour acheter un policier pour une offense pour une quelconque. Conduite sans permis. Pour une conduite sans permis, le reste, c'est la drogue, je le sais pas, là. Oh, c'est je ça, pas c'est de ça. Ça mais... Mais ouais, en tout cas, fait que je me suis ramassé, ils m'ont arrêté sur le côté, ils m'ont enlevé ils m'ont demandé d'enlever mes clés, je les avais toujours. Puis il y a c'est pas des bons samaritains parce qu'ils ont pas fait exprès, mais il y a environ 5-6 touristes qui s'en venaient de la plage, puis les policiers sont mis dans la rue pour les arrêter, puis il y a ma copine en arrière de moi qui a crié "T'es Chris!" Puis j'ai eu ma petite poursuite en Indonésie, je me suis sauvé puis tout. Les policiers couraient, genre, en arrière? Il y en a un qui m'a pogné par la blouse, ça a tiré, mais c'était comme, soit que t'en laisses passer un ou que t'en arrêtes cinq. Fait que, so c'est long, ça. Sucker! C'est 150$ ou 30$. Puis, exactement. Puis, en bout de ligne, Ben, j'étais retourné chez nous, puis je me suis couché, là. J'étais fatigué après ça. Ça a pris beaucoup d'énergie. Sous le toit d'eau, tu l'as mérité. Merci, merci Alexandre Sarfati, mesdames, messieurs. Notre globe-trotteur. Toi, t'es globe-trotteur un petit peu? Un petit peu. Un peu moins que ça, là. Moins aventureux. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend raciste? Moi, je suis très raciste. Non. Si jamais je... Non. Moi, mettons, si je te dis que j'haïs toutes les elfes. C'est vrai? Pourquoi? Ouais. À cause je sais pas. J'ai pas choisi. J'ai pas choisi. Moi, les elfes, là... la balle est dans leur camp. J'ai un préjugé négatif, tu sais. Tout comme j'ai un préjugé positif pour les Asiatiques, je sais pas, je contrôle pas ça. T'sais. Mais les elfes, j'ai un très gros préjugé négatif. Ça c'est sûr. En tout cas, je travaille là-dessus. Pas beaucoup. On va pas faire un tour à Val-David. Au village du Père Noël. C'est plein d'elfes, c'est à rempli d'elfes. Au village du Père Noël. Et ils sont malicieux. J'aime ça, c'est bien dit. Aïe, il y a des sacrées histoires. Alexandre, à toutes les fois, c'est capoté, hein? On est allé dans une prison, on enchaîne avec, puis on va aller voir un autre chroniqueur pour faire autre chose. Dans l'espace tout autour d'elle, elle fait voler les voyelles. Quelle chance, Alphonse, de passer toute puissance. Elle puise dans ses livres les pires et les meilleurs tours de magie. Les pires et les meilleurs tours de magie. Et c'est cool, merci. C'est... ouais. La dernière fois que je vous ai vu en spectacle, ça allait bien. Puis maintenant, c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Oh. Toi, t'allais bien. Okay. Tu veux dire, dans ta vie, ça allait bien, mais maintenant, ça ne va plus bien. J'y arrive. Comme les poils. L'amour, c'est un sujet complexe. C'est pas un beau sujet. On se ment, on se refuse la vérité, on joue une game de marde. Oh, c'est terrible. Bref, quand je suis allée voir mesdames, les deux filles, pas toutes là, avec un instrument à quatre cordes, ça allait pas si pire, puis je sais pas. Je trouvais que je reprenais le dessus, puis finalement, depuis ce temps-là, j'ai pris une estide de barque, puis j'ai voulu fuir pour me retrouver. Ouais, tu sais, on s'identifie souvent à des affaires. Genre, mettons que ça va pas bien, tu vas, je sais pas, me manger de la crème glacée. Fait que tu t'identifies à crème glacée. Hein? Pistache. C'est-tu un piège sinon, pour qu'on soit pas woke? Là? Sweet fucker. Okay. Mais non. Mais tu sais, sinon, mais moi, ce que j'ai essayé, en fait, c'est d'habitude, je lis, tu sais, pour me changer les idées, pour m'identifier au personnage. Tes affaires faciles, là? Oui, c'est facile. Oui, donc ce que j'ai fait, en fait, c'est que je suis partie m'isoler deux semaines avec deux chiens au lac Saint-Jean, puis un bateau emballé. Et j'ai lu un roman Arlequin qui avait pas été publié, puis Chris, c'était bon. Fait que j'ai rien à dire. C'était juste vraiment un bon livre, puis mais tu sais, ça m'a fait chier parce que ça finissait trop bien. J'étais comme, Chris, j'ai pas de milliardaire dans ma vie, j'ai pas d'hôtel personnel en Thaïlande, fait que je vais essayer autre chose. Fait que j'ai essayé d'écouter une série pour adolescents, en me disant, tu sais, j'ai déjà été jeune, je vais m'identifier à eux. Puis finalement, ben j'ai fini par avoir un gros crush sur le père de la vedette de l'émission. Puis j'ai constaté que j'avais pas eu assez de commotion cérébrale pour être crédible. J'ai pris des notes, attends. J'ai pas eu assez de commotion, je me suis jamais fait kidnapper. Je connais personne qui passe à travers les murs. J'ai pas été propriétaire d'un café à l'âge de 15 ans. Il y a aucune personne de mon lycée qui est morte à tous les jours, en fait, pendant mes trois premières années de lycée. J'ai jamais été pognée dans une tornade dans un pick-up. Mon crush avait pas de super pouvoir non plus. Quand on me pitchait des roches vertes, ben ça me faisait rien. Fait que j'ai arrêté d'écouter Smallville. Puis finalement, ben, je suis revenue à mes premières amours. Là, la réponse m'a tombée dessus à la librairie L'Échange. Je suis tombée sur le livre qui s'appelle « La femme qui aimait trop ». Puis je me suis dit « Ah, Chris, enfin du négatif. Je vais m'identifier à ce fille-là. C'est peut-être ça mon problème. Peut-être que j'aime trop. T'sais, j'aime trop mon chien, fait qu'il me coûte 4 000$. J'aime trop mon ex, fait que j'habite encore avec. Puis j'aime trop... Tu sais quand ça va bien, là? Fait qu'en gros, la femme qui aime trop, elle s'appelle... Ben, elle s'appelle Mélanie, là, mais dans le livre, elle s'appelle Erika. Et elle aime trop Billy Spade. Alors, Billy Spade, c'est... Le roman est inspiré de sa vie, OK? Mais on sait pas c'est qui, Billy Spade. Elle veut pas le dire, mais c'est... Regarde, j'ai pris des notes aussi. C'est une rockstar, Billy Spade, OK? T'as peur? Faut que je change de page. C'est-tu le roman d'Éric Lapointe? C'est qui ça, Éric Lapointe? Merci. Je connais pas. On le sait pas, c'est peut-être lui. Mais selon les indices qu'on a, moi j'hésite entre Johnny Hallyday, Sylvain Cossette, le chanteur de Projet Orange, Garou, mon propre ex ou Jacques Villeneuve. On n'est pas sûr. Parce que selon les indices qu'on a, il est petit, il a les cheveux blonds, gominés, les yeux bleus, c'est un rocker alcoolique. Après ça, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Ah oui, il se peigne les cheveux dans les airs pour avoir l'air plus grand. Il porte des talons aiguilles. Il a un tatouage de serpent. Puis il se tient beaucoup au ballroom sur le plateau Mont-Royal. Fait que c'est moi, la pointe. Ben, la pointe, il est pas blond. Ben, c'est ça. Au début, j'ai comme ça. Ça dépend à quelle heure. Puis Jacques Villeneuve, c'est pas un rocker. Ben oui. Accepterais-tu de m'épouser? Ouais. En tout cas, au final, j'ai décidé que c'était Sylvain Cossette. Fait que j'ai lu mon livre en m'imaginant que Sylvain Cossette, c'était un tabarnak. Puis qu'il offrait des roses en fer forgé. Et je cite, pour pas que notre amour ne fane jamais. Puis il offrait des bagues en tête de mort aussi. Ah, oh, il y avait un indice. Il a été juge dans une émission de télé-réalité. Puis il y a une chanson qui s'appelle « Le hasard me screw ». Mais je pense qu'il a changé des affaires parce que si je me fie au livre, l'équipe nationale de hockey s'appelle « Le National ». Les motards s'appellent « Les Terminators ». Puis le gars le plus riche s'appelle « James O'Keefe ». Fait que ça m'a fait... Ah oui, il y a un joueur de hockey qui s'appelle « Corey Spice ». Fait que... Non, ça m'a même fucké bien raide. Je sais toujours pas, mais je suis sûre que c'est Sylvain Cossette. Puis dans le fond, Mélanie Chouinard, c'est André Waters. Fait qu'en gros, là... Bon, je me suis installée avec mon livre. J'avais un surligneur, j'avais une bière, j'avais une bouteille de vin, j'avais une bouteille de pastis, j'avais du rhum en backup. Je pensais que j'allais passer un esti de bon moment. Et ce fut presque le cas, parce que, écoute, j'ai jamais rien lu d'aussi mal écrit. Genre, c'est comme... Toutes ces phrases riment, c'est des mauvaises rimes, c'est des poèmes, tabarnak, des poèmes de... Oui, c'est épouvantable, OK? Mais en gros, c'est vraiment plate. Elle raconte leur première rencontre, elle raconte qu'il a arraché son linge, après ça, elle raconte qu'elle a déménagé chez eux le lendemain de leur première rencontre, après ça, elle raconte que ben là, il y avait encore le linge de son ex dans le garde-robe, mais c'était tout du linge déchiré, parce qu'il fait rien que ça, déchirer du linge. Sylvain Cossette aime fourrer, il fourre à peu près 5-6 fois par jour. Puis à part ça, il contrôle sa meuf, il voulait plus qu'elle soit barmaid, il voulait plus qu'elle soit infirmière, il voulait plus qu'elle voie d'autres mondes. Fait que là, elle était complètement isolée, puis là, elle cite Plastique Bertrand à toutes les deux pages. Est-ce que je m'arrête ou je continue? Stop ou encore non-stop? Après ça, tout le monde saillit dans l'entourage. Là, l'avocate de Billy Spade, de Sylvain Cossette, l'AI. Le gérant de Billy Spade, Sylvain Cossette, l'AI. La mère de Billy Spade, l'AI. Cette pauvre Erika, ça va pas bien. Mais elle était mannequin à Milan et elle nous le rappelle à peu près aux deux lignes, exactement. Exactement, oui. Précisément, plutôt. Puis sinon, ben, c'est ça. Aussi, elle explique ses jokes quand... dans le livre, elle raconte une blague, puis elle l'explique entre parenthèses. Moi, j'aime full ça, les parenthèses. J'ai été servie, il y en avait beaucoup. Elle traduit aussi ses mots en anglais. As-tu besoin d'aide? Non, ben, c'est réglé. Je te vois gigoter du coin de l'œil. J'ai traduit ses mots en anglais, puis elle était dans le monde. À Milan. Là. Oui, elle était très mannequin à Milan. Ben, oui, c'était passionnant. Moi, dans ma tête, j'étais arrivée ici en me disant, « Hey, avec ce livre-là, j'ai du stock pour 18 chroniques. » Finalement, j'ai eu du stock pour 12 minutes de lecture, mais c'était vraiment... sac. Fait que je vais juste... Tu sais, je peux pas raconter... En gros, raconte que c'était une relation de merde avec un gars possessif, violent. Oui, quelle surprise! Ouais, possessif, violent, petit, bête de sexe, alcoolique, qui trompe avec tout le monde, qui aime beaucoup se tenir au bar chez Stan à Joliette. Puis quoi d'autre? Lui, c'est Éric Lapointe. Je l'ai vu l'entrevue. Non, c'est Marc Fischer, en fait, le nouveau mari de la fille qui travaillait comme mannequin. C'est ça, mais c'est l'ex à Éric Lapointe. Tu veux-tu bien me laisser penser que c'est Sylvain Cossette, s'il te plaît? Ben, OK. Tout le monde sait que Sylvain Cossette, c'est un alcoolique invétéré, puis qui se lève le matin, puis qui boit de la vodka, puis... Es-tu jalouse d'André Waters? Il y a du placement de produits en plus. Tu seras jamais André Waters, Anne-France. C'est drôle qu'elle se soit donné le nom bonne de nouvelle. Erika. Ah, oh, bref. Mais ouais, fait que c'est ça. Leur histoire se finit mal, sauf qu'après 2 ans de « Est-ce que je m'arrête ou je continue? Stop! » ou encore, ben là, elle tombe enceinte, puis là, lui, il pète les plombs, puis il veut qu'elle se fasse avorter, puis là, le gérant manœuvre pour qu'il donne 20 000 piastres pour qu'elle se fasse avorter. Elle veut pas, parce qu'elle s'est déjà fait avorter du gars qui s'appelle Marc Simard, puis j'ai jamais trouvé c'était qui, Marc Simard. Puis genre... René... Oh, tu viens de me fucker le cerveau. OK, fait qu'elle s'est déjà fait avorter de René Simard. Puis ça l'a... Elle a pas voulu se faire... En tout cas, bref, finalement, à la fin du livre, elle quitte. Qui l'eût cru? Puis là, il essaye de se suicider en buvant 4 bouteilles de vodka devant une caméra vidéo. En faisant la même affaire que d'habitude. Genre, mais en tout cas, il aurait supposément laissé une note vidéo. Si tout racontait à la fin, je te le laisserai tantôt. S'il te plaît. Oui. Oh. Puis, fait qu'en gros, elle garde l'enfant qui appelle. Comment qu'il l'appelle donc? Charlot. Brume de ta bouche. Oui. Il y a beaucoup de brume dans ce livre-là. Ex-mannequin mais... international Mélanie Chouinard fréquente depuis longtemps le monde des vedettes. C'est vraiment loser. C'est une phrase. C'est une phrase en arrière du livre. Avant, j'étais une mannequin puis je fréquente du monde célèbre. Mais t'es mannequin à 14-15 ans. Je suis pas une coquille vide, mais c'est la première phrase que je mets dans ma bio, en tout cas. Mais c'est ça, mais tu sais, j'ai des extraits à lire, tabarnak. Elle a des erreurs. C'est pas fini? Mais non, j'achète. OK. Bon. Fait qu'en gros, elle se prend pour la Pretty Woman de Joliette, puis... Il l'envoie magasiner chez Old Renfrew avec son chauffeur de Mercedes 650. Puis, enfin, quand elle quitte, il essaie de se suicider. Puis là, ils reviennent ensemble, mais elle quitte encore. Puis la dernière phrase, c'est genre, depuis ce jour, je me sens bien. Ça plane pour elle? Ça, ouais. Très bon. Ah, voilà. Elle regarde le sourire de ses enfants et elle sait qu'elle a pris la bonne décision. Elle était chargée, je l'attendais. Mais, tu sais, si elle avait parlé de Plastique Bertrand, elle aurait sûrement donné un nom genre Tupperware Simard. Tu sais, une marque de même, c'est comme c'est. Ouais, bref. C'est ça, je pensais que je passerais du bon temps et que j'allais surligner le livre au complet, puis c'est pas arrivé. J'ai juste passé un mauvais moment en surlignant 3-4 passages au début. Puis là, t'es en train de me dire que Mark Fisher, il est rendu marié avec la fille qui s'est vidé le cœur sur son ex. Avec oui, lui. Puis elle a vidé son cœur, puis son ex s'est vidé plein d'autres affaires. C'est vraiment déprimant. C'est douche, puis tu sais, c'est triste en fait. Tu sais, Éric Lapointe est une victime. C'est le vin cossette. Ah, je suis fier de personne, là! Ouais, mais c'est ça, comme je disais, c'est vraiment écrit comme de la poésie cheap. Puis, tu sais, on a ri en lisant des extraits, mais l'histoire, finalement, c'est super déprimant parce que, tu sais, elle est conne, là. Elle est conne comme toutes les filles qui quittent pas leur chum cave, là. Puis, tu sais, elle est conne. Pas petite. Chouette. Ah, il paraît qu'elle est grande, en tout cas, puis que son Billy Spade est à peu près au même comparé à elle, là. Puis, mais c'est ça, je vais vous lire deux, trois. Ah, puis je me suis beaucoup associée à elle parce qu'elle disait qu'elle aimait trop les romans harlequins à un moment donné. C'était un chapitre, sa phrase, c'est « J'aime trop les romans harlequins ». Fait tu sais, regarde, c'est rempli de petits jeux de mots comme « Il me trouvait culotté et brûlait visiblement d'envie de m'arracher ma culotte ». Mais ça, c'est la première affaire que j'ai soulignée. Deuxième affaire, écoute, elle avoue des coïncidences partout, comme pour savoir que c'est l'homme de sa vie. Écoute, il a fouillé dans la poche de sa veste de cuir, a trouvé un paquet d'exportées régulières, comme celle que je fume. J'applaudissais à tout rompre dans mon cœur, au bord de la rupture, de l'anévrisme ou de ce que tu voudras, car je me disais, ému aux larmes pourtant, une autre coïncidence. Notre amour a peut-être une chance. Il ne s'envolera pas en fumée, comme une simple cigarette, une femme que tu baises et tu jettes. Ça, c'est à peu près 12 paragraphes. Que je viens de lire là. Une simple exportée verte. Leur première rencontre, ça se passe au bar chez Stan à Joliette. Elle voulait s'en aller, finalement, elle a cassé une botte de talon. Son taxi n'est pas arrivé, elle avait plus de clope, elle est retournée en dedans. Billy Spade était là, il est monté sur une table, il a chanté une toune devant tout le monde, il était comme oh, serait-ce l'homme de ma vie? Fait que là, il s'en va dans le backstore, puis Billy défait sa ceinture, baisse son pantalon, son boxeur et lui montre sa virilité. J'ai dit tu es gonflé, toi. Et j'ai ajouté pour le piquer, enfin, pas vraiment assez pour me faire rêver. Et j'ai conclu deux points. Don't call me, I'll call you. Your check is in the mail. Fait que là, Billy était fucking bouffé. Puis là, il a dit deux, Billy trois. Il était passé en mode salvaille. Oh! Ouais. Oh, shit. Ouais, tu sais, j'ai lu ça avant. Là, ouais. Bref, Billy a dit tu es la femme de ma vie, de toute ma vie. Sans toi, je suis un sans-abri. Alors jette-moi des miettes de toi ça, comme à un mendiant. Fais semblant que tu m'aimes un peu et je serai heureux. Ça m'a tué, deux points. Je me sentais enfin revivre. Ah. Alors, je suis restée, mais je ne l'ai pas sucé. Yeah. Billy a baissé ses pantalons, puis il est tombé à terre avec le membre au vent. Écoute, Bref, elle fait des jeux de mots aussi, je disais. Elle dit, j'ai pensé, les femmes amoureuses, le mot problème, surtout avec des hommes qui sont pas aussi amoureux d'elles qu'elles le voudraient, elles devraient l'appeler problème A-I-M-E. Sérieux, j'ai... Puis elle l'explique après. Hein? Arnaud, tu lis des textes plus de qualité que les miens, je tiens à te le dire. Écoute, ici, on a un fucking suspense. Chapitre 15. J'avais prévenu Billy Spade de ne pas m'attendre si je ne me pointais pas au bungalow à 19h. Après ma conversation, ou plutôt l'ultimatum de ma meilleure chum, je ne me suis pas pointé au bungalow à 19h. Fin du paragraphe 15, début du paragraphe 16. Je me suis pointé au bungalow à 19h22. J'achève. Première fois qu'il s'enligne pour faire l'amour, il met pas de capote. Elle est intimidée et elle lui demande « Tu ne portes rien? Juste mon sentiment pour toi. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? » Elle a trouvé ça romantique, point. Vraiment, point. C'est en ligne pour 8 chlamydia, c'est romantique en crise. Fait que bref, le meilleur bout, selon moi, c'est le café du matin après leur première nuit d'amour où il a déchiré tout le linge qu'elle avait, puis ça a duré. Ouais, voilà. Alors, Billy s'est romantiquement affairé à me préparer le premier café avec sa Faïma sensationnelle comme sa Mercedes 650, 2 points. Ma valise pouvait attendre, pas mon premier café. Sa cafetière de rêve, ou plutôt des mille et une nuits, ou plutôt des mille et un matins, qui valait sans doute 5 000 $ et aurait pu servir dans un bistrot, virgule, et semblait pouvoir tout faire, virgule, même un poème, virgule. C'était évident qu'il ne l'avait pas souvent utilisé, virgule, car lorsque j'ai imprimé ma préférence pour un cappuccino, virgule, il a froncé les sourcils, virgule, a plissé les lèvres, virgule, embarrassé, point. Ça, c'était un paragraphe. Fait que là, ça va mal. Billy gère pas sa cafetière. Sylvain Cossette, je vous le rappelle, n'est pas capable de se faire un café. Oui, il fronçait les sourcils, mon Billy, et souriait avec un embarras croissant qui ressemblait en rien aux deux froids croissants qu'il avait fait apparaître commodément du chapeau magique de son congélateur, virgule, mais que j'avais dédaigné, virgule, étant donné le beurre, point. Tout ce qui est bon est mauvais ou dit autrement, virgule, si ça a bon goût, c'est mauvais, point. Pour la ligne, 2 points, la vie est mal faite, virgule, et toi aussi, si tu te plies pas à sa diète. Comme la mousse continuait de sortir de la machine et Billy de se démener sans succès, j'ai eu pitié de lui et je l'ai débranché. La machine, pas lui. C'est ça. Oh, à page 95, il y avait des mamelons qui pointaient, mais c'était pas très pertinent, finalement. Sinon, à un moment donné, Billy l'amène dans son sauna, dans son sous-sol de son appartement du plateau Mont-Royal. Il l'a bandé les yeux, l'a pris par la main, m'a dit de le suivre. Quand elle a retiré le bandeau, elle se trouvait devant la fiche du Titanic. Billy a dit « Je suis ton Léo, tu es ma Kate ». J'avais les larmes aux yeux. Jamais personne n'avait dit ça avant. Jamais personne n'avait joué à mon oreille musique aussi romantique. Parlant de musique, il l'a mise. La musique du film. L'air de flûte du début me tue. Je l'ai toujours dans la tête depuis. Ça devait être la 30e à se faire le coup. Et, ouais, mais comme conséquence dramatique, elle pense toujours à Billy maintenant. Every night I see you, I feel you. No, near, far, whatever you are. Tu sais la toune, là? Ouais. C'est fini, là? Ça. Ouais. Puis il me reste un extrait, mais je sais même plus c'est quoi. Attends. Ça doit être super pertinent. Ah, c'est quand je disais qu'elle expliquait ses blagues. Son amie Fanny, qui est supposément qui a un gros cul, elle disait « Pour un string acheté à Rio, comme si Fanny s'était dit « Même si j'ai un gros cul, j'assume. Joke compréhensible juste pour les bilingues, je sais. » Oh my God! Fait que c'est ça. Je pense que je vais laisser le livre à l'encan, en fait. J'ai comme pas envie de le relire. Ça donne envie de faire un auto-dafé, genre. Tommy va le lire, puis il va vous en reparler. Puis juste pour que ça finisse un peu moins mal que ce que je pensais, la semaine passée, il y avait Dr. Callin ici, puis j'aurais aimé ça que Dr. Callin soit là ce soir pour me faire un câlin, parce que j'en aurais eu crissement besoin. Mais à place, j'ai écrit un poème. Ça s'appelle « Fille ». Puis ça parle, entre autres, des affaires. C'est tout le temps le fun de se faire expliquer un poème avant de se le faire dire. C'est parce que. Tu sais, mettons que tu lis. Tu sais ça. Que ton poème parlait d'affaires. Ouais. Attends un peu, donne-moi. Mais d'affaires de filles, parce que mon poème s'appelle Fille. C'est écrit Fille. Je l'ai écrit avec un full beau crayon, gars. Fille au singulier. Bon, ben vas-y, on va en fait, subir c'est ça, juste puis que tu vas t'asseoir après. Là. C'est un hommage que j'ai rendu à Marc Fischer, là, qui écrit le livre. J'ai essayé de suivre un peu ça. Hey, ça a l'air d'être power douche to the core, ça, là. Ben, fais-tu Melania Trump sur la couverture? Qui? Melania Trump? On dirait un peu quand Mais je pense que c'est vraiment l'ex-blonde ouais, à Sylvain. C'est l'ex ouais, d'Éric Lapointe pour vrai, ça. Okay. Je le sais à cause de Brume de ta bouche. Ouais, dans le vidéoclip. C'est vrai. C'est la oui. femme enceinte qui boit du champagne. C'est ça. C'est fait ça. Que je vais vouloir mon poème, puis je vais m'en aller. Fait que c'est un poème de Dr. Vagin, finalement, parce que Dr. Callin n'est pas là. Donc, ça s'appelle « Fille ». « Fille, jamais tu ne dois laisser ta santé utérine ne pas payer de mine. Fille, fais ton pap test si tu ne veux pas d'un destin funeste. Fille, si tu ne veux pas fucker ton pH, dans le sucre, tu devras mettre la hache. Car fille, une vaginite, ça irrite. Donc, fille, afin de préserver et sans scandale l'équilibre de ta tendre flore vaginale, et même si, comme Erika et moi, tu crois aimer trop, ne sombre jamais dans la fort loco. Oh. Merci. Judicieux conseil, ne jamais sombrer dans la fort loco. C'est quoi la four loco? C'est une boisson alcoolisée énergisante. Abject. Moi, quand j'ai vu l'article dans la presse, l'article où il disait genre les jeunes accros four loco, trop facile. Évidemment, je l'ai goûté. Puis j'ai pris comme une gorgée, puis c'est abject. Je suis triste d'apprendre que les jeunes boivent ça. C'est comme de la tornade, mais moins plus bon pour le cœur. La tornade concentrée, plus sucrée. La tornade à 12%, comme dans le temps. Là. Puis concernant le poème de Mark Fisher, l'histoire de donner des roses en fer forgé pour être sûr qu'elle fane jamais. Moi, je suis en train de décaper mon escalier. Là. Puis ça fan du fer forgé, là. T'es nettement mieux avec une vraie rose que d'aller comme scraper ça sur un design, un grinder, puis mettre de l'anti-rouille, puis de l'acétone. Mauvais conseil. Tout ça, ça coûte pas mal plus cher que d'amener la fille chez vous, puis de dire check le poster du Titanic, puis ton livre, qui risque de douche. Tabarnak. Tu nous surprendras toujours, Anne-France. On passe au prochain et on ne parle plus jamais de ce qui vient d'arriver. Hi-ho, Mathieu Boudreau, hi-ho, du fond de son bateau. Elle laisse en bas sur sa jambe de bois et on la prend les mouettes pour qu'elle ne la vole pas. Oh, ah, sa jambe de bois, oh, ah, sa jambe de bois. Merci, merci, merci beaucoup. Deux folles et un banjo, mesdames et messieurs. Incroyable! Hallucinant. D'ailleurs, je fais partie d'un band avec une des deux folles, celle avec le banjo, Renée Gélinas, qui s'appelle The Fractopus. Et The Fractopus est gratuitement en spectacle ce vendredi à l'Atomic Café. Et c'est bien la première fois que je fais de l'autopub. Voilà. Ben, comme quoi, des fois, remplir ta salle, c'est important. Ben oui, mais ça va être hot, c'est gratuit, puis c'est juste à côté. Ben oui, t'en parles. C'est super bon. C'est de la musique aux trois quarts instrumentale. Il y a des paroles qui parlent de choses. C'est justement mon sujet préféré. Voilà. Il y a une chanson qui s'appelle Soleil cannibale. On vient d'avoir un poème à propos de ça, des affaires. Ouais. C'est très, très bon. Et c'est quelque chose qui ne passera jamais nulle part. Fait que viens écouter. C'est là que tu vas l'entendre. Donc, c'est vendredi au Bistrot de Paris. Voilà, c'est ça. L'Atomic Café, le Bistrot. C'est vraiment pas la même place. Pas du tout. C'est à l'Atomic Café. Il y a beaucoup plus d'Atomic dans l'Atomic Café qu'il y a de Bistrot. Paris au Bistrot de Paris. Ouais, c'est ça. Vas-y, Mathieu, excuse-moi. Beaucoup plus d'atomes dans l'Atomic Café, clairement, qu'il y a de Paris à l'Atomic Café. C'est quoi? Il y a peut-être du Paris pâté qui s'est mangé au Bistrot, mais sinon. Bref! Je voulais écrire une chronique humoristique cette semaine. Mais étrangement, il y avait toujours quelque chose pour m'empêcher d'avoir le goût de... premièrement, moi, Éric Salvaille, non, mais on en a déjà beaucoup parlé. Je suis pas sûr que Salvaille a encore la peine. Non, j'ai volé cette affaire-là à quelqu'un sur Facebook. C'est pas drôle. On rit, mais c'est pas drôle. Okay? J'ai écouté le live, moi, du gars de Pro Gym. J'écoutais ça en travaillant, le live du gars du Pro Gym, qui lui, de 2006 à 2014, s'est littéralement fait harceler tous les jours où il s'entraînait par Éric Salvaille, ce qui est assez impressionnant. Parenthèse, la victime était du style douchebag. Calme-toi. Et comme tous les grands scientifiques de la Terre le savent, le douchebagisme a un certain effet régressif sur les cellules du cerveau en général. Et c'est ce qui provoque un renflement des muscles proportionnel à une incapacité de faire des phrases intelligibles. Et, bon, ceci étant dit, là, ça donne des perles de grammaire. Comme par exemple, là, dans un moment assez plate où Eric tape carrément les fesses du gars, le gars se met en colère puis il veut lui casser la gueule. Hein. Mais là, tout le monde lui dit « Attention, là, c'est Eric Salvaille, tu vas te faire poursuivre. » Puis fait que là, il décide de se prendre en main puis de ne pas lui casser la gueule. Mais ça donne ça dans son langage. Ben, il faut que je vide ma tête, attends. Il a été chanceux de pas manger mon poing sa gueule, parce que là, je te le dis, il en aurait mangé une estie. Mais en tout cas, j'ai regardé mon calme, puis le karma s'en est occupé. Bon. Non, mais c'est des bonbons d'Halloween, tu sais. Tu prends ça, tu manges. Attention, non, applaudis pas ça. Attention. L'incapacité du douchebag à exprimer clairement son idée ne discrédite en rien son témoignage, OK? Éric Salvaille, il allait trop loin. Voilà. Et puis avec le nombre de personnes là, qui ça a touché de près ou de loin, il a besoin de travailler sur lui en esti. Et parlant de quelqu'un qui a besoin de travailler sur lui, qu'on croyait qu'il avait travaillé sur lui, Gilbert Rozon, hein, on va en parler. Non, mais c'est parce que moi, j'ai une chronique à faire, là, puis paf! Il y a plus d'une dizaine de femmes hein, qui se lèvent et disent avoir été abusées par monsieur le clown en chef. C'est pas drôle! C'est pas drôle! C'est très sérieux. C'est pas drôle, non, non. Mais maman, c'est fini. J'exige un recomptage. Moi, je pense que c'est plus. Un, deux, trois, quatre. Mettons qu'il y en a une, c'est déjà trop. Ben, c'est déjà trop. L'horreur. L'horreur. Hein, surtout quand on pense là, à sa terrible condamnation de 1998, où le pauvre Gilbert hein, avait écopé d'une exemplaire peine de 1 100 $. 1 100 $. Le malheureux avait dû faire appel. Oh, come on! Pour que la Cour supérieure, on ne sait par quelle utopie, hein, lui donne le pardon absolu. Ben oui, ben faut que ça voyage, un comique qui fait plus d'argent qu'un juge. Je sais pas comment ça fonctionne, la vie. Mais bon, le système est bien fait. Je te dis ça comme ça. Hein? Alors, moi, Salvaire, Rozon, une page blanche, tu comprends que j'avais pas le choix de penser à autre chose que la fois où moi-même je me suis fait violer. Ah. Voilà. Non, mais parce que, tu sais, ces affaires-là, ça arrive. Et moi, j'étais un enfant. Je savais pas c'était quoi qui était pas normal, mais je savais qu'il y avait quelque chose de pas normal. Hein? Et moi, je l'ai appris à travers ce que les grands disaient. Les grands disaient, ben voyons, Bermance, là, lâche Mathieu, là, t'sais, avec leur face de schiste qui se passe, mais je ferai rien parce qu'on est en 1900, on s'en crisse. Le problème, dans mon cas, c'était que Bermance était handicapé. Bermance était un handicapé, il était tout maigre, tout croche, il avait les grosses lunettes, son visage bavait. C'est pas sa bouche qui bavait, c'était son visage. Et là, il était comme ça. Écoute, le gars, il avait 23 ans, il en paraissait 45. Rien pour lui. Anyway, en face de mon ordi, je me dis, bon, cette semaine, ça sera pas drôle. Là. Ça sera vraiment pas drôle, j'écrirai rien de drôle. Fait que je pars pour aller écrire ça sur mon ordinateur et mon chat sort de la pièce. Il se met à miauler vraiment weird puis vomit de la bile. On le salue. Là, il se raidit, tu sais, il se raidit, puis il s'effoire à côté de son vomi. Donc, on est ce matin, là. Alors, moi, tout content d'avoir trouvé ma chronique, hein? Je me retrouve chez le vétérinaire, juste à côté ici, pour me faire dire, on sait pas qu'est-ce que votre chat a, monsieur. Ben, écoute, 500$ plus tard, là, mon chat, il a une infection urinaire, hein? Une diarrhée accompagnée de vomissements, puis il fait de la fièvre. Exactement ce que je souhaitais à Gilbert Rozon. Ben non, arrête. Arrête, j'y souhaitais rien. On souhaite rien à ce genre d'individu-là. Fait qu'en terminant, moi aussi. Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. Je viens d'en apprendre, moi, c'est capoté, ça. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les femmes qui se font harceler. En mode salvaille. Non, mais en même temps, je pense que, de façon plus sérieuse, puisque la conclusion de l'été aussi, tu sais, c'est sûr que c'est une grosse semaine d'actualité. Là, moi, je suis au premier étage à Radio-Can. Même d'actualisation de l'humanité. Exactement, là. C'est ça. Si ça peut prendre comme un gros coup comme ça pour faire en sorte qu'on ait des changements de comportement plus massifs, puis que ce soit plus juste histoire de comme 3-4 non connus, mais que comme des gens avant d'avoir des comportements moins tolérables, intolérables, le faire, c'est comme si ça peut faire une prise de conscience, c'est tant on mieux. On espère, ben en tout cas, sinon, il y en a qui perdent des jobs. Fait que non, mais c'est ça, c'est trop anecdotique, parce que tu sais, ça va être comme 5 personnes. Oui, d'accord. C'est plus largement que ça, je pense qu'il faut aborder le problème. Puis mais je pense que c'est les gens vont être moins à l'aise de regarder, comme la genre que ce soit dans n'importe quel milieu, la construction, les médias, l'humour. T'sais, si tu vois des choses qui passent pas, ben ça va être plus facile, je pense, de dire comme hey, tu sais, ta joke, c'est un peu de la merde, là. C'est comme si on passait puis éviter que ça se rende jusqu'au point où il faudrait faire des démarches et tout. Fait, juste comme en tant que gars pour nous, quand on voit des choses puis que c'est pas acceptable, ben on intervient. Prise de conscience, ben oui, il l'a. Ben oui. Si ça peut au moins avoir cet intérêt-là. Surtout toi, depuis que t'es allé en prison pour avoir collectionné. Suis-tu encore au maxi all over again? Alors, Nabi, on est bien content de t'avoir avec nous. Let's go, on finit ça. Let's go. Mm-hmm. de sa tour et qu'elle coule d'un vautour terrifiant. Ne regardez pas dans les yeux, vous pourriez tomber amoureux. Ne le regardez pas dans les yeux. Faut pas me regarder dans les yeux, Tommy. Ben, je sais pas. Moi, je regardais Nabi dans ses yeux, en tout cas. C'est ça. Mais je voulais juste avertir de pas mal. Calice, tu viens de faire. Du bord de la Russie, maintenant. Le prix homologué au Emmy récompensant la meilleure télévision fait face à quelques critiques après avoir remis le trophée de la meilleure émission éducative à l'animateur d'une autre émission ayant donné de la crédibilité, à l'hypothèse de la Terre plate. Oh! Gros dossier. Oui. Igor Prokopenko a accepté la statuette pour son émission Secret militaire, mais c'est son autre émission, Les hypothèses les plus choquantes, qui a été ridiculisée pour son exploration de 45 minutes dans la théorie de la Terre plate, remplie de musique dramatique et d'experts s'avançant avec des affirmations telles que « Quelle est la vraie vérité? » Fait intéressant, le prix a été remis à la veille du 60e anniversaire de la mise en orbite du premier satellite artificiel Sputnik 1. Colise, avec des jumelles, tu peux la voir à la station spatiale dans l'espace. Tu peux lui montrer, mais bon, oui, c'est les illuminés. Ta gueule, crête ta gueule! Asti que c'est épais. C'est vraiment épais. C'est la chose la plus conne qui existe de la vie, les flat earthers. Les vaccins, c'est moins con être anti-vaccin qu'être flat earther, je pense. Pis c'est con en tabarnak être anti-vaccin. Ouais. C'est vraiment, vraiment con. Il y a du monde qui meurt parce qu'il y a des anti-vaccineux. T'sais, next. Un homme de Tucson, en Arizona, utilisait une torche afin de se débarrasser des toiles d'araignée sous sa maison mobile quand le prévisible est arrivé. Faites attention quand vous manœuvrez proche de la bonbonne de propane, genre. Arrivé sur les lieux, les pompiers ont trouvé le propriétaire ainsi que sa mère qui souffrait de blessures mineures. La Croix-Rouge a offert son aide aux sinistrés. Juste à toutes les fois, il y a un nouveau bénévole qui a. Alors, conte-moi comment c'est arrivé. Ben, il y avait des toiles d'araignée en dessous de ma maison, là. Puis ça me reposerait pas un balai. Un balai, c'est. Mon balai ta sale. Au grand mot, les grands remèdes. Et finalement, le club de soccer brésilien Ibis Sport n'avait pas gagné de match depuis 2 ans. L'équipe autoproclamée pire équipe du monde, qui joue dans la plus faible division de sa ligue, a maintenant 3 victoires consécutives et s'approche d'une 4e. Ce qui serait un record pour l'équipe. Après sa dernière victoire, des supporters auraient interpellé l'équipe dans un bar local leur demandant de cesser de gagner, s'il vous plaît. En effet, ils ne veulent pas avoir juste une autre style d'équipe gagnante. Ils préfèrent garder leur tradition de pire équipe vivante. L'ambition de l'entraîneur est de se rendre dans la première division de sa ligue. Il attribue ses victoires aux ajouts de récents joueurs dans son équipe. À chaque match, les joueurs donnent leur 70%. Oh. Ce gars-là est au courant. On vient de se faire un habit de style. Un habit de skidoo, c'était quoi qui revenait quand t'étais au primaire? Un habit de neige, Nabi fait pas le moine. Nabi fait pas le moine! Blou, blou, blou! Ton coin de pays, Nabitibi. Nabitibi. Oh, tabarnak. Ouais. Moi, c'était Tommy Tatuc. Tommy Tatuc, on a J'avais vasectomie rendu au secondaire. Oh! Subtil quand même. Une dichotomie, une stomie, n'importe quoi. Moi, j'ai toujours trouvé ça un peu le fun. C'est que ça donne un peu. Bon, au début, ça fait mal parce que c'est un petit gros roux asthmatique. Puis après ça, tu te rends le cuir plus solide. C'est ça. Puis sinon, au cégep, c'était rendu, tu vas les aimer. Hein. T'es correct, Tom. Oh, okay. T'es pas un escroc, Tom. Ok. On est plus dans la zone génitale. On était poétique, on était dans le Mark Fisher. Là. Oui, non, c'est exact. Aïe, aïe, aïe, les meilleures pages de Mark Fisher. Sinon, ben, gars, Nabi, on est arrivé... Tu peux-tu repartir avec le livre? Oui! Mais est-ce que tu le signes, tu le signes, puis tu pars avec. Est-ce que tu vas le brûler, par contre? Moi, c'est un petit peu ça. Autodafé tout à l'heure au bord du sentier vert. OK, tu peux partir avec. Merci beaucoup à Nabi Chartier, merci s'il vous plaît. Vous. Nabi Alexandre, il y a du monde qui t'appelle Alexandre. Normalement, ma mère est fâchée. C'est ça, Nabi, est-ce que c'est comme Prince ou Madonna? Est-ce que... Non, c'est mon vrai nom, mais comme... Mais est-ce qu'on dit juste le prénom? Genre? Tout le monde m'appelle. Mon prénom, c'est Nabi Alexandre. Ah ouais, hein? Puis mon nom de famille, c'est Chartier, mais... Tu vois que ta mère a retenu son bout, hein? Oui, non, c'est ça, exactement. Non, ils ont négocié. Puis ce qui est bizarre, c'est que si j'avais été une fille, je me serais appelé Kadi Atou. That's it. J'aurais été Kadi Atou ou Nabi Alexandre, comme Nabi. Mais bon, fait que normalement, quand les gens appellent Nabi Alexandre, c'est assez mauvais signe. C'est comme genre Nabi Alexandre ou Nabi Alexandre. Comme ouais. C'est comme toujours un ton trop officiel. Ouais. Et non, même pas. C'est comme Nabi! Sinon, ben, si on veut te suivre, c'est de regarder les... La Route des Vins, chaque vendredi à 19h sur ICI Radio-Canada. Est-ce que t'es beaucoup sur Facebook? Les gens peuvent s'abonner à ton profil. Absolument. On aime ça. Puis sinon, ben, on va aller à ton show quand tu veux. Encore une fois, Nabi Alexandre Chartier, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Merci à Bruno Corbin. Merci beaucoup à Deux Folles et un Banjo. Bravo. Merci à l'équipe technique, à tous les chroniqueurs. Valérie Picotte va avoir une œuvre qui sera vendue tantôt. Avant qu'on laisse la tribune à notre VJ de ce soir, Jean-Sébastien Godette, on a une dernière chanson de nos amis, les excellentes Deux Folles et un Banjo, mesdames et messieurs. Yeah! Mesdames. shows au mois de novembre, le 8 et 22 novembre au Petit Bar. Sinon, c'est le 19 avec Saint-Pied-de-Vache et Barnac à la marche à côté. Yeah! Bonsoir tout le monde, je suis JS. On va débuter avec un spécial, un petit 20 minutes de Nabi et les pires moments de Musique Plus. Des extraits que j'ai eu sur des VHS. Sandiva, Nabi, tu te souviens-tu de Sandiva? Une des pires entrevues, c'est pas de ta faute, c'est Sandiva qui était le problème. C'était de toute beauté. Fait qu'on commence avec ça, c'est quand que Nabi s'est fait découvrir à VJ Recherché. Sacha Bourque, 70%. C'est fort, c'est fort. C'est fort. Écoute, j'en ai des frissons. Non, je peux faire quelque chose d'autre. Non, pour vous dire, c'était pour te dérouiller, celui-là. Ouais, exactement. Let's go, on en prend un autre. Hey, bonsoir tout le monde, mon nom est Sacha Bourque. Il me fait plaisir d'être ici à douteux.org à l'émission 70%. Hey, hey! Cette roue tournera, hein? Telle qu'établie par la dynamique correspondante à celle-ci. Salut le brouhaha! Yeah! Si seulement j'avais pas autant de lumière dans la face, je te verrais. Alors, c'est le temps de l'encan. L'encan, c'est quoi? Bien sûr, c'est un encan. Hein? L'encan, c'est pour nous aider à vous présenter ce genre de choses-là, comme vous avez pu. Voilà, dans ta gueule. Juste. Sors! je sais, Gab, c'est comme une blague. Voilà, fait qu'on est 15, on va avoir du fun pour au moins 30. Donc, le premier lot, c'est un T-shirt, hein? C'est un T-shirt de loup, mais un loup turbo, là, tu sais, du loup de feu. Ça a sûrement rapport avec un jeu vidéo, une série. Le loup-garou de l'ombre. C'est incroyable si tu savais à quel point. Oui, je l'ai très profondément. C'est un X large, donc tu peux aller en camping avec. Écoute, c'est ça, mais c'est du large de personnes minces, donc ça commence à 3$, mettons. 3 piastres pour nous aider. 3$. Chandail de loup. 3 piastres à la personne qui hurle. Non, c'est bon. 3$, 4$ ici dans le fond, 4$, c'est incroyable, 4$, oublie pas, pour parler bien dans un micro, faut que tu l'accotes, 4$ une fois, 5, on a entendu 5? Ok, 4 piastres deux fois, c'est incroyable, 5$, oh, 5, dis-tu le veux-tu, 5$ une fois, es-tu certain? 6$! Voilà! Quelqu'un... 6$ une fois. C'est incroyable ce qui se passe en ce moment. Combien? 6, c'est un encan, vos gueules. Juste, non, mais c'est vrai. 6$, c'est ça? 2 fois, 3 fois vendu! Vas-y! Ouais. Non, mais c'est cool parce que tout le monde ici t'a l'air comme « Ah oui, non, je suis humoriste. » Ta gueule. OK? C'est comme ça. Alors, ce jeu, hein, Baby Justily, c'est comme une espèce de docteur. Tu sais, le docteur, là, tu fais « Pfff ». Tu sais, t'essaies de pogner les trucs dedans. Puis, mais c'est le premier. C'est avant le docteur. C'est... Sans la batterie puis le buzz, ils avaient... T'es-tu sérieux qu'on vend ça sans la batterie puis le buzz? Il y a une vache. On va commencer ça à 1$ parce qu'on est généreux. C'est comme une espèce de docteur. Tu sais, c'est quoi, docteur? Tu sais, le... Bon, opération, c'est ça, un docteur. C'est comme si tu disais Spider-Man, l'homme araignée. Je sais pas. Alors, ça commence à 1$. Je sais pas si quelqu'un veut nous donner 1$ pour des posters pour enfants. 1$! Hey, merci de me sauver la vie. J'en shakeais, j'étais tellement mal à l'aise. C'est sur scène, hein? Devant tout le monde! 1$ une fois. 1$ deux fois. Moi, je pense que c'est la 16e fois qu'on le vend. 1$ trois fois vendu, voilà. Ça va retourner en arrière, ça, j'ai l'impression. Ça fait effectivement plus de 15 fois qu'on le vend. Et à toutes les fois, les gens nous le laissent. Et à toutes les fois, on fait remarquer la petite fille ici qui est nettement possédée. Est-ce que tu veux avoir ça chez toi ou tu veux me donner une pièce puis on n'en parle plus puis on le vend plus tard? Je pense que ça va être ça qui va arriver. Tu viendras me donner ton argent? On passe à l'autre lot. Merci, Mathieu. Ça me fait plaisir, Tommy. Ça me rappelle la voiture de Barbie qu'on a essayé de vendre au moins 12 fois et toujours revenue. C'était une voiture grise et rose. Personne n'en voulait. Elle était hantée. Voilà. Non, on pense qu'elle était hantée. On ne sait pas. Qui sait vraiment à propos des fantômes? Ben, donne-moi un prochain lot. Je me sens seul. Et voilà, des livres. 101 escapades culturelles. Sens-tu le petit verre de vino en toi? 101 escapades insolites. Sens-tu le verre de vino dans le péteux? 101 escapades romantiques. Sens-tu le verre de vino sur la plage? Alors, ça, c'est quand même 303... chose à faire dans des villes à l'intérieur du monde, hein, la planète Terre. Alors, je pense que ça commence à 3$ parce que c'est 1$ chaque. Bien sûr, les images sont belles. Les images sont fucking belles. Ça, c'est des 3$ une fois ici dans le fond. Idéal pour la chambre de bain. La salle de bain, très très bon pour aider à faire ses besoins. 3$ deux fois. Ah! 3,50$, Gab! Garde, le garde du corps de la logique. c'est comme ça. Combien t'as dit? 3,50$. Ah, une fois. 3,50$ deux fois. Ah, vendu. Voilà. 3,50$. Incroyable, je vis un moment sur scène. Ben oui, je... Ah oui, Tommy. Salut, Tommy. Ah oui, on va aller voir le véritable souci. Oui, je voudrais bien que tu nous en parles. Vas-y. Ben, comme on disait tantôt, c'est un inévitable hamster géant du Bengale dans lequel il y a des ninjas comme vous ne voyez pas parce qu'ils sont tellement bien cachés qu'on ne les voit pas. Et il y a des glitters. Je pense que ça. C'est inspiration de Pacou. Pacou étant mon ami d'enfance depuis 29 ans. Hey! Fait que. Avant quoi? Ben avant ça, j'étais dans un ventre. C'est ça. Fait que voici un superbe hamster du Bengale. Géant. Bon, parce qu'on s'entend que c'est. Je sais pas. 5? Ah ouais. Je l'ai pas dit assez fort l'autre fois parce que j'avais pas le micro. Mais c'est correct, les transferts Interac. prends ça pour une graine. Mets ça où ce que t'as envie. Donc, je pense que... C'est... Non, mais c'est vrai. Faut planter des graines pour que quelque chose pousse dans le sens où ce que tu veux. Non, mais c'était avec consentement aussi, comment? Alors, ça commence à 20$. Je sais pas, c'est 20? Ben, quelqu'un veut donner 20, quand même. Quand même, 20. 20. 20, ça dé... Ouais. Quel est le nom de la peinture? Hamster et Ninja, t'as pas écouté? Hamster du Bengale sur fond de ninja noir. Voilà. Donc, non, mais j'ai déjà appris un texte par cœur. C'est correct. J'ai étudié là-dedans. Donc, c'est ça. Ça commence à 20$. Hamster du Bengale sur fond de ninja noir. Voilà. On a dit 20$ deux fois déjà. Vous êtes vraiment sérieux? 20$ trois fois vendu. Oui, un encan qui personnellement me déçoit, mais en même temps, je viens de mettre 500$ sur un chat. Donc, non, mais calme-toi, il va bien. C'est le tour de Tommy Godette, voilà. Je t'aime, frisson. T'es mieux. Mathieu Boudreau, mesdames et messieurs, on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Rendu là, c'est de bon ton de remercier le VJ. Jean-Sébastien a fait un travail remarquable. J'ai vu un clip. J'ai vu un clip qui va m'avoir tabarnaqué. Sinon, quoi d'autre? On est là lundi prochain, on va avoir une primeur mondiale. Un film qui n'a jamais été joué ailleurs et c'est aussi un film indie fait par du monde qui vont être sur place. On est très content d'accueillir les gens qui ont fait Bestiole et ça va jouer lundi prochain quand que le Chris de hockey va être fini. On remercie le Brouhaha de nous accueillir à chaque lundi. Et on est déjà rendu à la dernière des trois parties de notre soirée. C'est-à-dire celle autour de laquelle ces soirées-là sont nées. Le concept de se taper un long-métrage weird au complet, pas peser pause, tu peux aller pisser, prendre une cigarette, hurler, garocher des affaires. Il y a des shooters aussi. Le film de ce soir, ça s'appelle Killer Clowns from Outer Space. Et il y a une version française, mais il n'y a pas de titre français. Donc, c'est la version française de Killer Clowns from Outer Space. Ceux qui ne parlent que le Molière et aucun Shakespeare, ça veut dire les clowns tueurs de l'espace. Weird, weird. C'est à la base un concept de deux frères qui étaient des spécialistes dans les effets spéciaux, les effets gore. Dans les années 80, il y en avait beaucoup plus que de nos jours. De nos jours, on est, ça peut coûter moins cher en CGI de faire une tempête de requins que de pomper le vent pour vrai, pour mettre des requins dans du vent pour vrai. T'sais, on est rendu à une autre époque pour le cinéma. Et à l'époque, les deux frères, ils ont pris toutes leurs économies et ils ont décidé de faire un long métrage qui vieillit extrêmement bien. L'esthétique du film qu'on va voir, c'est du rose bonbon. Les clowns sont vraiment bien plus... Tu sais, d'habitude, le stéréotype du clown méchant, on pense à Chose Gacy, on pense à It de Stephen King, mais les clowns méchants dans le film de ce soir sont bien plus creep que tous les clowns méchants que tu as vus n'importe où. Et d'ailleurs, ils ont fait une étude auprès des jeunes. Hein, qui aime les clowns? Et ils montraient des images de clowns. Et il y avait plus de monde qui aimait les explosions de bombes atomiques que de monde qui aimait les clowns chez les enfants. Fait que les clowns, c'est comme universel que ça fait peur. T'sais. C'est creep! Mais on crisse! Et ceux de ce soir ne font pas exception, ils viennent de l'espace et ils s'avouent des tueurs. Vous allez voir, il y a de l'acting rose bonbon, c'est un long métrage qui passe extrêmement bien. Je vous invite à vous commander une autre pinte et à participer avec nous en écoutant ce long métrage. N'hésitez pas à lancer des affaires et à lui rappeler que sa mère était sûrement une boiteuse au film de ce soir. Voilà. Donc, on écoute l'excellent... Killer Clowns from Outer Space 10 ans après Star Wars. On est là lundi prochain encore. Merci beaucoup. Mon nom est Tommy Godette et à partir de maintenant, je n'ai plus aucune obligation au métro, donc je peux me saouler. Yeah! Merci. On écoute Killer Clowns. Mon nom, c'est Pierre-Luc Racine. Je suis à 70% et je trippe à 100%. Humainement retrouvable. Admettons que je suis en train d'avoir plein de ressentiments de toutes les sortes. Là, puis là, ben, tu veux story ça. Moi je pense que la meilleure place, c'est sûr, que c'est dans un cœur qui est brisé par la haine et la honte. Ouais, le ressentiment dans le sang, c'est ça. C'est bien soir, bonvenue à cette nouvelle soirée de spectacle gratuit au Brouhaha, organisée par douteux.org et ses affiliés, dont X-Rox, la machine qui poursuit, et les Pagettes Joli Cœur. Parce qu'un jour, les Pagettes reviendront, on remercie nos commanditaires. On est très content de vous avoir avec nous pour une très belle soirée qui commence, une soirée qui va être terminée par un film hautement bizarre qui vieillit très bien. Des décors sublimes. C'est l'œuvre de deux frères qui étaient spécialistes d'effets spéciaux gore et qui ont dit à un moment donné, avec le fond de tiroir, « Hey, on va faire un film de clowns de l'espace qui viennent transformer du monde en barbapapa pour carburer leurs envies démoniaques. » Killer Clowns from Outer Space, version française, mesdames et messieurs. Je me rappelle l'avoir vu dans un club vidéo à Sullivan, en banlieue de Val-d'Or. Colin. Donc, ce long métrage sera précédé d'un set de VJ de notre ami Jean-Sébastien Godette, curateur du musée et un gars qui focus sur des affaires vraiment bizarres. Ça devrait paraître dans son set de VJ tantôt. On est très content qu'il vienne nous rejoindre. Sinon, on va avoir à 70% plusieurs personnes qui collaborent encore une fois, mais je veux mentionner tout de suite l'excellent travail de Valérie Picotte ici qui est en train de... Oui. Est en train de mettre la soirée en couleur en utilisant ses outils et son talent. On la remercie beaucoup. 100% des profits de l'œuvre qui est en train d'être complétée seront remis à une excellente cause, c'est-à-dire elle-même. Et ben voilà, ça va être vendu à l'encan quand on arrive vers la fin de la soirée. On a aussi les deux folles et un banjo ici. Oui, salut mesdames. Vous les connaissez sûrement. Les deux dames sont ici pour nous servir de... d'ambiance sonore tout au long de ce 70% qui commence. On devrait aussi avoir des chansons originales. La barre est haute. La barre est haute. Sinon, 8 chansons originales qu'on me dit. Ben oui, j'avoue, parce que si ça va bien, je suis curieux. Sinon, ben c'est un 70% qui sera avec Nabi Alexandre Chartier comme invité. Il est là-bas dans le fond. Nabi qui signe des autographes, il me l'a pas dit, mais je suis sûr qu'il est capable. Puis il est tout le temps content, il a Instagram, fait qu'il faut nourrir la bête. Allez prendre des photos avec. Sinon, ben ce 70% sera précédé de notre ami, l'excellent Colin Boudria-Fournier, s'il vous plaît. On applaudit maintenant notre invité, notre ami Colin. Je passe le micro et je t'en souhaite une bonne. Merci, mon ami. Ça va bien? On est quelle date? Savez-vous? 23. Il fait chaud en tabarnak, on s'entend? Ça commence à être inquiétant, pour vrai. Là. C'est fou. En plus, la semaine passée, il y a le directeur de l'Agence américaine de protection de l'environnement qui a signé une loi pour canceller la limite d'émanation de CO2 qu'il y avait dans les entreprises. C'est fou. D'ailleurs, juste un reminder, le directeur de l'Agence américaine de protection de l'environnement, c'est un climato-sceptique. Et un créationniste. Genre des personnes qui pensent que Dieu a mis les dinosaures sur Terre pour tester notre foi et nous donner le merveilleux cadeau des combustibles fossiles. T'es qui pour refuser un cadeau de Dieu? Steve, vas-y, utilise le gaz. Jésus est mort sur la croix pour que t'ailles au gym en Hummer. Sinon, tu vas aller en enfer. D'ailleurs, pour eux, l'enfer, il n'y a pas de flamme. Hein? C'est juste plein de panneaux solaires. C'est fou parce que j'ai l'impression que les climato-sceptiques finissent par m'avoir dans leur gang. Parce que quand je lis des nouvelles comme ça, ça me met tellement en tabarnak, j'ai juste envie de détruire la planète. Ça vous fait pas ça? Vous avez pas des fois genre des grosses pulsions de destruction qui arrivent? Je donne un exemple. Je suis végétarien. Y a-tu des végétariens par applaudissement? OK. Un peu. D'ailleurs, je le recommande à tout le monde. Je suis devenu végétarien dernièrement, puis c'est vraiment génial parce que ça rend ça délicieux après ça quand tu manges de la viande. Bon, ouais, tu sais de quoi je parle? Il y a comme un petit goût d'interdit, genre ton steak a un petit goût d'interdit, c'est fou, t'as l'impression de tromper tes légumes. Bon, des fois, même si je sais que j'ai du tofu qui m'attend à la maison, ça m'arrive de me prendre une chambre d'hôtel pour manger des bavettes. C'est fou, t'as pas... Tout le monde qui trippe sur la viande devrait devenir végétarien, pour vrai. Parce que t'as pas mangé de ribs tant que t'en as pas mangé en faisant « Ah, je devrais tellement pas faire ça, puis c'est tellement mauvais pour l'environnement. » Pendant que tu te fouettes avec des asperges. Je sais pas pourquoi je trippe autant à pas respecter mes propres valeurs. C'est fou. J'ai un ami qui est vraiment intense, végétarien, puis il me dit « OK, tu manges encore de la viande, fait que dans le fond, tu détestes les animaux. » Non, tu comprends pas. C'est moi que je déteste. Ça vous arrive pas? Moi, j'ai souvent des grosses pulsions de destruction. Même si j'ai des valeurs environnementales, il y a des jours où j'ai envie de crisser le feu à mes principes, où j'ai envie de manger du Nutella à cuillère en faisant des « fuck you » à un orang-outan. Trouvez ça cruel. En plus, dans mon scénario, Laurent Houtan est au régime. C'est quelque chose. Je sais plus pantoute ce qu'on s'en allait avec ça. J'ai vraiment l'impression que des fois, la destruction, c'est juste dans notre nature. C'est fou parce que quand tu regardes ça, si tu regardes l'histoire des Homo sapiens, la chose la plus nice qu'on a faite avec... Peut-être pas nice. La chose qu'on a faite avec le plus d'assiduité depuis 300 000 ans, c'est juste tuer tout le temps. On arrive, on tue tout, puis on part. C'est le merveilleux cycle de la vie. En fait, je pense que les humains, on est juste bons à deux choses. Tout tuer, puis se plaindre que c'était mieux avant. C'est fou parce que... Il y a une corrélation, mais Chris... C'est fou parce que... En plus, on a tout le temps, t'sais, on a tout le temps des histoires de science-fiction où il y a des extraterrestres qui arrivent, qui détruisent les habitants de la Terre en utilisant une nouvelle arme incroyable. Des fois, j'ai l'impression que c'est déjà arrivé. Puis l'arme en question, c'est juste les êtres humains. Sérieux, on est clairement la meilleure arme bactériologique de l'univers. Imagine t'es un extraterrestre, OK? Puis t'as un gros beef avec une planète pleine de mammouths. T'es en tabarnak parce qu'il y a un mammouth qui a dit quelque chose sur ta mère, genre hey, « vraiment grosse puis poilue ». C'est vraiment une excuse de marde, surtout venant d'un mammouth. Mais toi, t'es vraiment fâché comme extraterrestre. Fait que tu te dis, OK, fuck les mammouths. On va tous les tuer jusqu'au dernier. Qu'est-ce que tu fais? T'envoies des humains sur la planète. T'attends quelques milliers d'années, puis tadam! Pour ça, tu regardes avec un télescope. Ils sont en train de jouer au baseball avec les os du dernier mammouth, chier dans son crâne. Ils chassent des bébés éléphants, puis utilisent leur défense pour se faire des pianos sur lesquels ils jouent des tunes hypocrites, genre We Are the World. On est les pires hosties. Pense-y, OK. En ce moment, il y a des scientifiques qui veulent utiliser l'ADN des mammouths pour les recréer en laboratoire. C'est quand même fou que les humains en soient assez intelligents pour ressusciter des espèces, tout en étant trop cons pour arrêter de les détruire. Je sais pas comment ces scientifiques-là justifient leur recherche en plus de « Ah ben, on trouve que les mammouths sont vraiment partis trop vite, hein? Mais grâce à la science, on a une nouvelle chance. On peut les ramener, les regarder dans les yeux, puis vraiment prendre notre temps cette fois-ci quand on les tue. » Comment, c'est sûr, si on ressuscite les mammouths, on va juste éventuellement les retuer. Ça n'a pas de sens, là. En fait, même la science nous sert à détruire des affaires en ce moment. T'sais, vous pensez qu'on lutte contre le cancer pour guérir des enfants malades? Fuck, non, je pense qu'on lutte contre le cancer parce qu'on aime vraiment ça, tuer des cancers. Pas super optimiste comme numéro. Faudrait que je finisse sur une note un petit peu plus... Faites-vous-en pas, guys, je pense vraiment que ça achève. C'est ça mon message d'espoir. Je commence à avoir des pubs vraiment personnalisées quand je vais sur Google. Ça vous fait tout ça comme en lien avec ma recherche Internet? Il y a beaucoup de monde qui sont super inquiets de ça. Ah, toutes les informations que Facebook ou Google gardent sur nous, ça me dérange pas tant. Moi, quand je vois des pubs vraiment personnalisées, en général, je fais juste me dire « Wow! J'espère qu'un jour, je vais me connaître aussi bien que Google me connaît. » En ce moment, Google te connaît mieux que ta propre mère. C'est fou, il y a des études là-dessus. Dans mon cas, c'est pas super surprenant. Je suis pas très proche de mes parents. Je pense que je néglige un peu. Sais-tu comment je sais? Google a commencé à mettre des pubs de maisons de retraite. Moi, ça me dérange pas que Google sache plein d'affaires sur moi, mais j'aimerais juste que ça me soit utile dans ma vie de tous les jours. T'sais. Au lieu de me suggérer comment quel billet d'avion pour l'Europe acheter, Google pourrait pas me dire pourquoi je sabote toujours mes relations interpersonnelles. Espionne donc mon âme, Google. T'sais, utilise mon historique Internet pour me psychanalyser. Ça m'intéresse. Moi, je veux tellement que Google apprenne à connaître mon subconscient que j'ai commencé à faire une affaire que j'appelle la recherche automatique. Je veux juste m'asseoir devant la search bar puis je tape les premiers mots qui me viennent en tête. Il y a des gens qui analysent leurs rêves. Moi, j'ai commencé à analyser les pubs fucking weird qui ont commencé à apparaître. Non, peut-être pas. Mais c'est déprimant parce qu'en même temps... On essaye encore de connecter avec d'autres êtres humains. C'est ce soir, vous allez voir un podcast, vous allez voir un show. Certains y vont entre amis. Quoi qu'au douteux, il y a beaucoup de monde tout seul aussi, mais certains y vont entre amis. On va avoir du fun. Il y a un humoriste au début. Peut-être ça va être drôle. J'espère qu'il ne va pas faire un numéro déprimant sur la technologie. Mais malgré tous les efforts que vous vous donnez, dites-vous qu'il n'y a jamais personne au monde qui va vous comprendre aussi bien que Google vous comprend. L'autre fois, j'ai juste tapé « Pourquoi? » Puis Google m'a tout de suite suggéré « Pourquoi j'ai encore des plaques rouges à l'intérieur de mes cuisses? » Google finit mes phrases! Mes blondes n'ont jamais fini mes phrases. Hein. Moi, ça fait longtemps que je me donne même plus la peine de perdre du temps à avoir des relations avec d'autres êtres humains. Pour vrai. Des fois, je fais juste m'asseoir devant mon ordi. Je tape « Vidéo coucher de soleil ». Je regarde ça tout seul avec Google. En buvant, tranquille. Des fois, je commence à être sous. J'échappe du vin sur le clavier comme pour y donner des gorgées. Non, c'est fou. La seule raison pour laquelle je recommencerais une relation avec un autre être humain, c'est si Google me disait de le faire. Quand tu penses, Google, c'est tout sur moi. Google sait que je cherche un imperméable, que je veux voyager en Europe, que je veux grossir mon pénis sans effort. D'ailleurs, le sans effort est vraiment un mot-clé dans cette pub-là. Hein. Pour les gars qui se disent, ouais, moi, je suis bien down pour avoir une grosse queue, mais demande-moi pas de m'investir d'aucune façon. Faut que ça soit facile, je clique à une place, je reçois ma grosse queue demain matin. En fait, la seule chose que je reproche à Google, c'est de pas assez me dire quoi faire. C'est à quoi ça sert d'avoir un algorithme qui emmagasine plein d'informations sur moi si après ça je reste là comme une épée à prendre mes propres décisions? Chris, comment ça en 2017, on a encore un libre-arbitre? On n'est pas supposé être dans le futur? Voilà. Fait que c'est la fin de mon deuxième numéro déprimant sur la technologie. Dans deux semaines, je vais vous parler du suicide chez les robots. Et est-ce que c'est pas la preuve d'une vraie intelligence artificielle? On change encore de sujet. Je suis humoriste. Ouais. Comme vous ne l'aviez pas remarqué, c'est bizarre comme milieu. J'ai remarqué dernièrement que, surtout dans la relève en humour, c'est vraiment important de faire semblant d'être super occupé. Si t'as beaucoup plus de contrats quand tu fais semblant d'être occupé, genre comme « Ah, wow, Chris, Colin, ça a l'air de bien aller, ces affaires. Tout le temps au téléphone, prend même plus la peine de nous saluer. Eux n'ont pas besoin de savoir que j'étais avec mon propriétaire pour savoir si je peux payer mon loyer en retard, tu sais. » J'essaie tellement d'avoir l'air occupé que maintenant sur Facebook, je réponds juste avec des thumbs up à toutes les conversations. Surtout les questions ouvertes, genre « Hey Colin, s'il te plaît, essaye de pas être en retard au meeting aujourd'hui. Quelle heure tu penses que tu vas être là? » Boop! Je sais pas pourquoi j'ai essayé d'être... Je sais pas pourquoi je veux être humoriste. Pourquoi je veux être dans un milieu où ça transcélèbre. Parce que, honnêtement, en général, j'aime juste ça moquer des célébrités. Meilleure affaire à faire, OK? Je vous le suggère à tout le monde, pour vrai. Meilleure activité. Trouvez-vous un gala. C'est pas difficile, là, au Québec, il y en a deux semaines. Des fois, j'ai l'impression... les galas, c'est la chose la plus populaire au Québec après les humoristes, les quiz puis les suicides. Mais c'est pas mon point. Trouvez un party d'après-gala, OK? Allez rencontrer quelqu'un de célèbre, puis quand vous y serrez la main, si la personne se nomme pas, faites semblant d'avoir aucune idée c'est qui. Quelque chose genre « Hey, salut, moi je m'appelle Colin, t'es qui toi? Parce que moi je suis Grégory Charles. Oh shit, pour vrai? T'as deux prénoms, jamais entendu ça. Wow! Enchanté, man! Méchant party, hein, Grégory? En tout cas, il y a plein de monde célèbre. Je sais même pas comment ça se fait qu'on a réussi à rentrer. Puis, au moment où il commence à t'expliquer il est qui, tu fais juste l'interrompre pour être vraiment impressionné par quelqu'un de moins connu. Genre, oh, excuse-moi, Nabi est là, on va aller y parler. C'est vraiment une bonne activité. Je pense que je vais pitcher un concept de reality show qui est juste une célébrité qui se réveille un matin, puis toutes les personnes qui croisent dans la journée, c'est des gens payés pour faire semblant d'avoir aucune idée c'est qui. Vous regarderiez pas ça, genre Éric Salvaille qui se réveille un... Ouais, mauvais exemple. Disons, Véronique Cloutier se réveille un matin, comme toutes les autres matins, tu sais. Elle s'endort. Ah, bon matin tout le monde, Véro est réveillé, de rien. Aucune réaction. Là, elle va voir les passants, elle fait comme... Tout le monde s'en calisse. À un moment, elle commence à dire « Mais ça, je suis célèbre, je suis pas folle. J'ai une salle pleine de trophées chez nous. » Là, elle s'en va revoir la salle. Quand elle ouvre la porte, tous les trophées ont disparu. Ils sont juste remplacés par des bibelots de clowns creepy. Mais elle est un peu rassurée quand il y a une alarme sur son cell qui sonne puis c'est marqué « Entrevue Radio-Canada 11h ». Elle dit « Bon, si je savais, je suis pas folle. » Elle arrive là en taxi puis la tour de Radio-Canada a juste disparu. C'est un gros champ vide. Il y a des gars de la construction autour qui font comme « Radio-Canada? J'ai jamais entendu parler de ça ici. C'est un cimetière autochtone. » Tant, tant, tant! Vous regarderiez pas ça? Je sais juste pas si elle l'embarquerait, si elle croirait. Peut-être que j'ai jamais été célèbre. Au pire, si ça marche pas avec Véronique Cloutier, au pire, on le fait avec Éric Lapointe. Sur ça, va marcher. Il va juste faire « Tabarnak, comment ça, personne chez Suki? D'habitude, c'est moi qui sais pas Suki. » Je vais vous laisser là-dessus. Merci beaucoup. Colin Baudrillard-Fournier, mesdames et messieurs. Tu veux participer à l'évolution de Productions Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E, ou écris-nous à podcast@icloud.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com.